vie des anciens orateurs, grecs avec des réflexions sur leur éloquence, des notices de leurs écrits et des traductions de quelques-uns de leurs discours. Volume 2. Contre l'opinion commune sur la prise de Troie. Par Dion Chrysostome. Louis-Georges Houdard Fodrix de Bréquigny-Chénion et Robustel, 1752. Markem Dan Archivorg 2024 d'après Remac Lorg et Books Google FR. Licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique. Observation. Sur le discours dans lequel Dion combat l'opinion de la prise de Troie par les Grecs. Depuis Homère, c'est-à-dire, depuis environ 25 siècles, on a constamment placé au nombre des faits réels la prise de Troie par les Grecs. Cette opinion généralement reçue avait au moins 800 ans d'antiquité, lorsque Dion entreprit de la combattre dans un discours qu'il adressa aux Troyens même. C'est le premier de ceux dont je donne la traduction. Note. La ville de Troie, qui subsistait du temps de Dion Chrysostome, était un ancien village élevé à la dignité de ville, par Alexandre le Grand. Quoique cette Troie nouvelle fût éloignée de plus de 30 stades du lieu où était située l'ancienne, Strabon nous assure que ses habitants avaient la vanité de soutenir que leur ville était cette même Troie que les poèmes d'Homère avaient rendue si fameuse. Voyez Strabon Géographie livre 13. Fin de la note. On est porté naturellement à croire qu'un pareil projet ne peut avoir rien de sérieux. Cependant, quelques savants modernes ont été ébranlés par les raisonnements de Dion. Cluvier, Adamus Rupertus, Thomasius, se sont laissés séduire par l'art avec lequel il a soutenu son sentiment, et j'avoue que j'ai moi-même été d'abord séduit comme eux. S'il est difficile, disais-je, de prouver sans réplique qu'Homère n'a point eu de garant des événements qu'il a racontés dans ses poèmes, il semble encore plus difficile de prouver qu'il ait eu des garants bien instruits et non suspects. Joseph a remarqué que les Grecs ne se proposèrent que fort tard le dessein d'écrire l'histoire, et qu'ils se trouvèrent, par leur ignorance même, dans une pleine liberté, lorsqu'ils commencèrent à vouloir parler des choses passées. Ils n'avaient rien d'écrit parmi eux sur les événements anciens, et pour y suppléer, ils se livrèrent aux notions avec d'autant plus de sécurité, qu'il n'existait rien, au moins en leur langue, qui pût les convaincre de mensonges. Ils eurent seulement soin de tourner leur fiction à l'avantage de leur nation, afin de les faire mieux recevoir. Or la prise de Troie peut fort bien être une de ces fables imaginées à plaisir pour couvrir l'ignorance des Grecs en fait d'histoire, et pour flatter leur vanité. Bochard a démontré dans une dissertation demeurée sans réponse, que l'Énéide de Virgile était une pure fable, non seulement dans les épisodes, mais même dans son sujet fondamental. Note. Voyez là dans les œuvres de Jean Regnault de Segret, page 1063, Geographia Sacra Cephalet Canaan. Fin de la note. Si Virgile a entrepris de composer un poème sur un fait faux, pourquoi ne croira-t-on pas qu'Homère en a pu faire autant? Si le premier s'est proposé pour objet principal de son Énéide l'établissement des nés en Italie, quoique ce Troyen n'y ait jamais mis le pied, pourquoi le second n'aurait-il pas pu supposer dans ses poèmes que Troie fut prise par les Grecs, quoiqu'effectivement le siège ait été levé? Les raisons de feindre étaient égales dans ces deux poètes. Tous deux avaient pour but de faire honneur à leur patrie, Virgile en attribuant au fondateur de Rome une origine illustre, Homère en attribuant aux anciens rois de la Grèce la conquête d'une des plus puissantes villes de l'Asie. Homer, comme Virgile, put trouver cette opinion déjà établie, sans qu'elle fût pour cela plus vraie. La flatterie avait pu dès avant lui l'imaginer. L'orgueil des Grecs devait avoir pris plaisir à la croire, et leur politique avait peut-être contribué à autoriser une fable qui servait à élever leurs âmes, parce qu'elle rehaussait leur gloire. J'ajoutais à ces réflexions la variation singulière que je remarquais dans les témoignages des anciens sur les principales circonstances du siège et de la prise de Troie. Malala, et Cédrenus certifie qu'Homère a raconté l'histoire de ce siège tout autrement que n'avait fait Dictys. Phocius observe que Hector ne tua point Patrocle. Et cependant la mort de Patrocle par Hector forme un des principaux ressorts du poème d'Homère. Hérodote soutient contre Homère que jamais Hélène n'a été à Troie. Euripide suppose aussi que cette princesse demeura en Égypte, que Paris croyant enlever Hélène n'enleva que son fantôme, avec lequel il vécut bien des années, comme avec une véritable femme, imagination plus folle que merveilleuse, et qui ne laisse pas de se trouver aussi dans Stésichore, Lycophron, et Zetzès. On lit dans Servius que non seulement Hélène ne fut point conduite à Troie, mais qu'elle ne fut en aucune façon le sujet de la guerre des Grecs et des Troyens, comme Homère le suppose. Que le motif de cette guerre fut uniquement l'ancienne querelle d'Hercule et de Laomédon, et que ce fut Thésée qui mena Hélène en Égypte, où Ménélas alla l'épouser. Enfin, selon Homère, les Grecs furent introduits dans Troie, cachés dans les flancs d'un grand cheval de bois, mais, selon Pausanias, ce cheval n'était autre chose qu'une machine de guerre, une espèce de bélier, dont les Grecs se servirent pour abattre les murailles, et selon d'autres encore la ville fut livrée aux Grecs par la trahison d'Énée et d'Anténor. Ce qu'Homère a raconté du siège de Troie a paru si éloigné du vraisemblable, que plusieurs auteurs anciens sont convenus qu'il était difficile d'y ajouter foi. Origène reconnaît qu'on ne peut guère justifier les récits de ce poète, et Lucien dans un de ses dialogues plaisante agréablement sur le peu de confiance qu'on doit avoir au témoignage d'Homère. Les doutes que faisaient naître tant d'opinions différentes redoublaient encore, lorsque je comparais le récit d'Homère avec celui de Dion. Je trouvais dans la narration du poète bien des défauts de vraisemblance. Au contraire, chez l'orateur tout me paraissait probable. Enfin, si j'opposais des positions à des positions, celle d'Homère me semblait peu considérable, car outre qu'elle pouvait être regardée comme unique, Homère me paraissait un témoin récusable sur un fait qui flattait sa nation. Dion au contraire s'appuyait sur la foi des prêtres d'Égypte, qui passaient pour de fidèles dépositaires des anciens monuments historiques, et qui dans cette occasion semblaient trop désintéressés pour être suspects. Ces considérations avaient fait d'abord sur moi une impression d'autant plus forte, qu'elles avaient été secondées par ce penchant naturel qu'on se sent pour les opinions d'un auteur sur lequel on travaille, et par je ne sais quel attrait qu'on trouve à imaginer l'erreur dans les opinions les plus générales. Un plus mûr examen m'a fait voir que je m'étais trompé. J'en ai la première obligation aux lumières d'un savant ami, critique aussi judicieux que sincère. Et grâce à ces sages avis, je ne publie aujourd'hui mes doutes que pour les détruire. Il est bien vrai qu'il est des traditions vagues et populaires qui ne prouvent pas, mais il en est aussi des traditions universelles, et soutenues d'âge en âge, qui prouvent autant que des auteurs contemporains. Plus ces traditions varient dans les détails, Moins on a droit de conclure qu'elles n'ont aucun objet réel. Le concert unanime sur un fait principal, au milieu de circonstances contradictoires, ne peut jamais convenir à un fait chimérique. Les auteurs anciens varient sur les circonstances du siège de Troie, sur les moyens par lesquels cette ville fut prise par les Grecs, mais tous excepté Dion seul, conviennent que les Grecs la prirent. Ce fait a été non seulement connu des Grecs, mais des Égyptiens et des Perses. Il est attesté par l'usage de dater de cette époque, qui se remarque non seulement dans les anciens auteurs de la Grèce, mais sur ces marbres si précieux à la chronologie. Sans entrer dans des discussions épineuses sur les auteurs qui ont rapporté ce fait avant Homère, et sur les monuments qui l'attestent, tenons-nous-en au témoignage d'Homère seul. Il était éloigné de la prise de Troie d'environ 400 ans, mais par la façon dont il parle de cet événement, on ne saurait douter que la tradition n'en fût accréditée bien avant lui. Il faut donc faire remonter cette tradition à des temps assez peu éloignés de l'époque du fait même. Or, comment dans ces temps aurait-on pu établir une tradition fausse sur un fait de cette nature? En effet, il est des événements qui peuvent être déguisés par de fausses traditions dans le temps même qu'ils arrivent. Mais les destructions des villes célèbres ne peuvent être de ce nombre. Troie fut une des plus fameuses villes de l'Asie. Comment aurait-on pu persuader aux Grecs qu'ils devaient détruire, s'ils avaient été contraints de lever le siège, et si elle était devenue plus puissante que jamais? Son existence seule aurait fait tomber une tradition semblable, ou plutôt aurait empêché qu'elle ne s'établît. Il a donc fallu que les ruines de Troie déposassent en faveur de la tradition dont Homère a fait usage, et qu'elles servissent de témoins irréprochables du succès du siège des Grecs. Dira-t-on que Troie depuis ce siège avait été détruite pour quelque cause que nous ignorons, et que les poètes de la Grèce attribuèrent cette destruction aux armes de leur patrie? Mais on ne put ignorer parmi les Grecs les causes de la destruction d'un royaume aussi considérable et aussi voisin que celui de Troie. Avancera-t-on qu'on avait oublié ces événements lorsque la flatterie établit à ce sujet une fausse opinion? Mais cette opinion précéda Homère, comme je l'ai dit. Elle se serait donc accréditée à peu près dans le siècle même de l'événement qu'on suppose la démentir, ce qui ne peut assurément avoir été. Dion a trop exagéré la licence que les anciens poètes ont prise de débiter quelquefois des faits sans garant et sans fondement. On remarque en lisant Homère, que c'est un poète sage qui use avec discrétion du droit que son art lui donne d'embellir les faits par des fictions de détails. Ses peintures sont vraies. Les villes, les peuples, les princes, les mœurs, tout dans ses poèmes se trouve conforme aux monuments. Puisque nous le trouvons exact et vrai dans ces points, pourquoi ne le jugerions-nous pas tel par rapport aux autres faits qu'il raconte? Les fables mêmes qu'il emploie, il est très probable qu'il les a plutôt recueillies qu'inventées. Je ne prétends pas nier qu'il n'y ait dans les détails que renferment ces poèmes quelques traits peu vraisemblables. Je conviens que Dion en a relevé assez heureusement plusieurs de cette espèce. Mais il faut convenir aussi que ce critique traite quelquefois Homère avec injustice. Par exemple, n'est-ce pas, à tort qu'il fait un crime à ce poète de ne pas suivre régulièrement dans l'Iliade la marche chronologique de l'histoire? Pour dire nettement ce que je pense du discours d'Odion contre Diomère, il me semble que cet orateur s'y occupe uniquement du soin de tourner tout à son avantage avec plus d'adresse que de solidité. Il paraît moins jaloux de convaincre par des raisonnements justes, que d'éblouir par une subtilité ingénieuse, Or ce procédé, bien apprécié, décèle suffisamment, selon moi, que son unique but est de faire voir avec quel art il fait soutenir un paradoxe. Pour mieux faire briller son talent, il s'est proposé d'attaquer parmi les opinions reçues une des plus générales et des plus anciennes. D'ailleurs, loin d'être persuadé lui-même de l'opinion qu'il affectait de vouloir établir alors, on le voit souvent dans ses autres discours alléguer comme constant l'effet qu'il combat dans celui-ci. Le prêtre égyptien dont il invoque le témoignage est probablement un personnage imaginaire, qu'il a cru nécessaire pour donner quelque poids au récit qu'il voulait opposer à la tradition générale. Aussi ne nomme-t-il pas ce prêtre, comme il aurait dû le faire, si c'eût été un personnage réel. D'ailleurs, les prêtres d'Égypte du temps d'Hérodote convenaient que Troie avait été détruite par les Grecs. Pourquoi les prêtres d'Égypte du temps de Dion auraient-ils regardé ce fait comme une fable? Je crois donc que le discours où Dion s'efforce de prouver que les Grecs n'ont jamais pris Troie, n'est autre chose qu'un jeu d'esprit. Mais je suis bien éloigné de le traiter de frivole ouvrage d'un déclamateur, comme l'ont fait quelques-uns de nos modernes, des savants de divers âges, et tous d'une autorité respectable en ont jugé bien différemment. Je ne parle point de ceux qui, séduits par l'éloquence de Dion, se sont laissés persuader des choses que lui-même ne croyait pas. J'en citerai qui, sans se départir de l'opinion commune, n'ont pas laissé de faire un grand éloge du discours où cet orateur la combat. Synésius regarde cette pièce comme un ouvrage estimable, et sort propre à faire sentir tout le mérite de son auteur. Le scoliaste grec cité par Morel se plaint de ce que Dion traite Homère avec trop peu de ménagement. Mais il ne laisse pas d'admirer dans le discours de notre orateur une sagacité rare, un jugement exquis, un esprit supérieur. Casaubon pense avec raison qu'on peut sur bien des points justifier Homère contre les accusations de Dion, mais au même temps il assure que la critique de ce dernier mérite infiniment d'être lue par les philologues. Et par tous ceux qui veulent apprendre à lire les écrits des anciens avec cet esprit de discussion qui sait démêler les défauts parmi les beautés. Le savant et judicieux Fabricius appelle le morceau de Dion dont il s'agit ici, un ouvrage fort ingénieux, éloge qu'il se serait bien gardé de donner à une déclamation méprisable. Mais sans compiler de nouveaux suffrages, et sans chercher par mes propres réflexions à prévenir mes lecteurs en faveur de ce discours, je dois les en laisser juger eux-mêmes. J'ai cru seulement devoir tracer les raisons qui m'avaient fait penser d'abord que la tradition combattue par Dion, quelque générale qu'elle fût, pouvait bien n'être qu'un préjugé, et celles qui m'ont ensuite déterminé à croire que l'opinion qu'il soutient, quelque probable qu'il ait su la rendre, n'est qu'un ingénieux paradoxe, qu'il n'a jamais pris lui-même pour une vérité. C'est l'unique but des observations qu'on vient de lire. Discours de Dion Chrysostome, contre l'opinion commune sur la prise de Troie. Ce discours paraît avoir été prononcé dans Troie même. Le titre grec est le Troïque, où l'on prouve que Troie n'a point été prise. Je sais qu'il est pour l'ordinaire difficile d'instruire les hommes en général, et qu'il est facile de les tromper. S'ils peuvent être instruits sur quelques points, ce n'est qu'avec difficulté, et par un petit nombre de gens éclairés. Au contraire, non seulement ils sont précipités dans l'erreur par une foule d'ignorants, mais ils s'y précipitent eux-mêmes. C'est que la vérité paraît amère et désagréable aux esprits faibles au lieu que l'erreur leur paraît douce et gracieuse, semblable, selon moi, aux personnes dont les yeux sont malades, et qui ne pouvant supporter la lumière sans douleur, se placent dans les ténèbres. Certes, il faut bien que l'on trouve du plaisir dans l'erreur, autrement aurait-elle pu l'emporter si souvent sur la vérité? S'il est difficile d'apprendre quelques vérités aux hommes, comme je viens de le dire, leur ôter leurs erreurs est bien plus difficile encore, surtout s'ils sont accoutumés depuis longtemps à ces erreurs. S'ils ne sont pas les premiers qu'elles ont séduits, si avant eux leurs pères, leurs aïeux, presque tous leurs ancêtres les ont adoptés, alors il n'est pas facile de les arracher à ces vaines opinions, quand même on leur en démontrerait la fausseté. Il semble être dans le cas de ceux qui élèvent des enfants supposés, on ne peut par la suite les détromper, même en leur disant la vérité, et si on la leur avait dit tout d'abord, ils l'auraient cru. La force de la prévention est telle que bien des gens, une fois imbus d'opinions qui leur sont même désavantageuses, aiment mieux y persévérer, que d'en admettre d'autres qui sont plus à leur avantage, mais qui sont nouvelles pour eux. Je ne m'étonnerais donc point, Troyens, quand vous ajouteriez plus de foi aux fables qu'Homère a débitées contre vous, tout incroyables qu'elles sont, qu'aux vérités que je vais vous dire. Accoutumé que vous êtes à regarder Homère comme un sage, comme un homme divin, à faire apprendre à vos enfants, dès leur plus tendre jeunesse, ces vers qui ne contiennent que des calomnies contre votre ville. Lorsque je vous exposerai les choses comme elles se sont passées, vous ne me croirez peut-être pas, parce que je suis né bien des siècles après ce poète. Mais on avoue communément que le temps est le meilleur juge des faits. Pourquoi donc rejeter de nouveaux systèmes sur les faits anciens, précisément parce que ces systèmes sont nouveaux? Si c'était chez les Argiens que j'osasse contredire Homère, et que j'entreprisse de prouver la fausseté des principaux événements racontés dans ces poèmes, peut-être auraient-ils droit de s'offenser, et de me chasser de leur ville, comme quelqu'un qui voudrait attenter à leur gloire, qui chercherait à la détruire. Mais vous, Troyens, vous devez m'écouter avec empressement, avec reconnaissance, j'ai pour objet de relever la gloire de vos ancêtres. Je prévois qu'infailliblement mon discours répété ailleurs, entendu par bien des gens différents, sera trouvé par les uns incompatible avec leur façon de penser, les autres affecteront de n'être pas touchés de mes preuves, quoiqu'en effet elles ne leur paraissent pas sans force. D'autres enfin, particulièrement quelques misérables sophistes, s'efforceront de le critiquer. Mais ce que je prévois encore, c'est que vous-même pourrez ne pas m'écouter avec plaisir. Car la plupart des hommes sont si prodigieusement aveuglés par la folle envie de passer pour célèbres, qu'ils préfèrent d'affreux malheurs qui les rendent fameux, à un état heureux et tranquille qui les laisse dans l'obscurité. C'est par cette raison que je crois que les Argiens eux-mêmes verraient avec chagrin contester la vérité, des sujets de nos tragédies, soutenir qu'il est faux que Thieste ait commis un inceste avec la femme d'Atrée, que celui-ci ait tué les fils de son frère, qu'après les avoir coupés par morceaux, il les lui ait servi à manger, qu'Oreste ait égorgé de ses mains sa propre mère. Si l'on y a ses faits, ils ne le souffriraient pas plus patiemment que si on leur faisait une injure réelle. Sans doute les Thébains penseraient de même si quelqu'un prétendait prouver que tout ce qu'on raconte de leurs infortunes n'est que fiction, qu'Œdipe n'a été ni le meurtrier de son père, ni le mari de sa mère, qu'il ne s'est point crevé les yeux, que ses fils ne se sont point tués tout dessous les murailles de Thèbes, et que jamais on n'y a vu ce prétendu sphinx qui en dévorait les citoyens. Au contraire, ils entendent avec satisfaction répéter que la cruauté du sphinx, le meurtre de Laïus tué par son fils, les crimes, les malheurs, et l'aveuglement d'Édipe, furent l'effet de la colère de Junon, qu'auparavant encore les fils d'un autre de leurs rois, d'Amphion fondateur de leur ville, qui passait pour les plus beaux des mortels, avaient été tués à coups de flèche par Apollon et par Diane. Il prête attentivement l'oreille à ceux qui parmi eux célèbrent ces aventures sur les théâtres dans leurs vers et dans leurs chants. Il propose des récompenses pour celui qui s'en acquitte le mieux, et il chasserait quiconque oserait avancer que tous ces faits ne sont que des fables. Telle est l'extravagance de la plupart des peuples, ils souhaitent ardemment qu'on parle beaucoup d'eux, et ils se soucient peu de quelle façon l'on en parle. Timides, ils ne voudraient pas être exposés au malheur, ils craignent la mort et les peines, mais ils sont charmés qu'on se souvienne qu'ils ont autrefois été malheureux. Si je me propose de vous faire voir combien Homère a défiguré par des fables les faits qu'il a rapportés, je ne me servirai pour cela que de ces vers mêmes, et j'en tirerai des secours pour éclaircir la vérité. Ce n'est ni dans le dessein de vous flatter, ni par un esprit de critique ou de basse jalousie, que j'ai conçu ce projet. Mon principal but est de justifier Minerve, d'empêcher qu'on ne la regarde comme ayant détruit sans raison sa propre ville, et ayant agi contre les volontés de son père. Je veux aussi justifier Junon et Vénus. Il est injurieux à l'épouse de Jupiter, qu'on croit qu'elle ne trouva personne plus capable de bien juger de ses attraits qu'un berger du mont Ida, et que ce fut elle qui commença à disputer de beauté avec Vénus, elle, dis-je, qui était la plus âgée des enfants de Saturne, comme elle en convient dans Homère, où elle s'exprime en ces termes. Ne suis-je pas la première qu'engendra Saturne? Enfin, c'est faire injure à cette déesse que de la supposer si violemment irritée contre Paris, à la décision duquel elle s'était volontairement soumise. Assurément, il n'y a personne parmi les mortels qui, après s'être choisi un arbitre, traite cet arbitre en ennemi, parce qu'il n'a pas décidé en sa faveur. Ce n'est pas une chose moins injurieuse pour Vénus que la honteuse, l'injuste, la funeste récompense qu'on lui fait donner à Paris, sans égard ni pour Hélène qu'elle avait pour sœur, ni pour Paris, dont le jugement lui avait été si favorable. Elle unit ces deux personnes par un mariage fatal qui devait causer la perte de la famille, de la patrie de Paris, et de Paris même. Je ne dois pas non plus oublier ici le sort d'Hélène, que l'on dit être fille de Jupiter. Sa honte l'a rendue à jamais célèbre, et les Grecs en l'érigeant en immortelle, ont immortalisé son déshonneur. Quelque louable que soit mon dessein, certains sophistes ne laisseront pas de crier à l'impiété, parce que je contredis Homère. Ils s'efforceront de me perdre dans l'esprit de quelques jeunes gens méprisables. Lire en grec, dont je fais moins de cas que des singes, et dont je ne fais aucun cas. Mais en premier lieu, on dit qu'Homère fut réduit par la misère et la pauvreté à mendier dans la Grèce, et l'on ne peut se persuader qu'il ait débité des fables dans la vue de plaire à ceux qui lui faisaient du bien, et de leur dire des choses agréables. Cependant, on convient qu'aujourd'hui les mendiants ne doivent pas être crus sur leurs paroles. On ne voudrait pas s'en rapporter à leur témoignage sur la moindre chose. On sait que la nécessité les oblige à ne rien dire que de flatteur. En second lieu, On prétend que ce ne fut pas seulement comme pauvre, mais comme insensé, qu'Homère fut regardé dans son siècle, et que ce fut surtout sous ce dernier titre qu'il fut connu. Il est vrai qu'on n'ajoute point si dans sa folie il disait des fables, ou des vérités. Je suis bien éloigné de condamner Homère sur l'opinion qu'on avait de lui. Rien n'empêche qu'un homme sage ne soit pauvre et ne passe pour fou. Mais de cette opinion qu'on avait conçue d'Homère, et du jugement qu'on portait de ceux à qui l'on croyait qu'il ressemblait, il résulte qu'on ne comptait en aucune façon sur la vérité de ses discours. Enfin, dit-on, il n'est pas concevable que le mensonge ait pu entrer dans le caractère d'Homère, qu'il ait été susceptible de rien de tel. Mais Homère n'a-t-il pas écrit qu'Ulysse, dont il fait de si grands éloges, mentait fort souvent, quand Aulicus se parjurait, et que c'était un talent qu'il avait reçu de Mercure? Il n'y a pour ainsi dire personne, même parmi les plus grands admirateurs d'Homère, qui ne convienne que ce poète n'a rien dit de vrai touchant les dieux. On essaie de le justifier en soutenant qu'il ne faut pas prendre à la lettre ce qu'il en a dit, qu'il se servait d'énigmes et d'allégories, et qui empêche qu'on ne porte le même jugement sur ce qu'il a dit des hommes. Celui qui, au lieu de s'exprimer avec vérité sur les dieux, fait visiblement le contraire, au point que tout le monde croit devoir prendre ses discours pour des fictions, quoiqu'on n'en imagine pas le but, celui-là, dis-je, n'osera-t-il pas, à plus forte raison, hasarder sur les hommes des fables de toutes les sortes? Je ne parle point ici de ce que plusieurs avant moi lui ont reproché, de ce qu'il a peint des dieux qui se plaignent, qui gémissent, des dieux blessés et presque mourants, des dieux adultères, des dieux enchaînés, des dieux qui contractent des obligations. Je ne prétends point lui faire des crimes, je veux seulement montrer qu'il a dit les choses autrement qu'elles n'ont été. Je justifierai ensuite mon sentiment sur la façon dont elles se sont passées. Commençons par établir qu'il ne balance point à avancer des fables, qu'il les avance sans rougir, et voyons s'il a quelque raison de le faire. J'omettrai tout ce qu'il rapporte d'injurieux et d'indécent touchant les dieux. Je me contenterai de remarquer qu'il ose répéter les prétendus entretiens des dieux les uns avec les autres, non seulement ceux qu'ils ont eus en présence de toutes les divinités, mais même leurs conversations les plus secrètes, celles de Jupiter avec Junon, que ce dieu querelle de ce qu'elle l'a trompé, et causé la défaite des Troyens, confère Iliade 15, 14, celle de Junon avec Vénus, qu'elle sollicite de lui prêter ce philtre puissant, cette ceinture merveilleuse, nécessaire à Junon pour se rendre maîtresse du dieu père de Vénus. Il est naturel qu'une telle prière ait été faite en particulier, et il n'est point vraisemblable que parmi les hommes mêmes, les choses de cette nature, non plus que les querelles d'un mari et de sa femme, parviennent à la connaissance des autres hommes. Il semble qu'Homère se fasse reprocher lui-même ce défaut par son Ulysse. En effet, lorsque ce héros rapporte les discours que les dieux ont tenus sur son compte, il paraît craindre de ne pas mériter de croyance. Et Homère lui fait dire qu'il a appris ses discours de Calypso, qu'il les avait entendus répéter à quelques dieux. Mais Homère ne prend point de précautions semblables lorsque c'est lui-même qui parle. Tant il a méprisé les jugements qu'on porterait de lui, tant il s'est peu soucié de passer pour ne débiter que des fables. Assurément il n'a pu croire que quelqu'un se persuaderait qu'il fût instruit par ses propres oreilles des conversations des dieux. Il a cependant avancé qu'il les avait lui-même entendues, et bien des gens l'ont cru sur sa parole. Il raconte l'aventure de Jupiter et de Junon sur le mont Ida, Iliade 14, et les discours qui furent tenus en cette occasion, comme s'il en avait été témoin, et que la nuée dont Jupiter se couvrit, pour se rendre invisible, n'eût pas été, comme elle devait l'être, un obstacle pour les yeux d'Homère. Mais ce poète met en quelque sorte le comble à ses rêveries, lorsque, afin que nous ne doutions plus qu'il entend les discours des dieux, il nous parle souvent comme comprenant leur langage. De même que les interprètes des langues expliquent aux barbares ce que nous leur voulons dire, de même Homère, qui prétend savoir la langue des dieux, nous en explique les termes. Car, selon lui, cette langue n'est pas la même que la nôtre, et les dieux donnent aux choses d'autres noms que nous. Homère en donne des exemples, l'oiseau que les hommes nomment hibou, les dieux, à ce qu'il dit, le nomment Calcis. Un lieu situé près de Troie, appelé Batica par les hommes, est appelé par les dieux le tombeau de Myrina. Il parle de l'herbe que les dieux nomment Molly, mais il ne dit point comment les mortels l'appellent. Il ajoute que le fleuve que nous appelions Scamandre est nommé Xanthus par les dieux, et il se sert de ce nom dans ses poèmes, comme s'il avait le privilège, non seulement d'y faire un mélange des divers dialectes de la Grèce, et d'y parler tantôt aulien, tantôt dorien, tantôt ionien, crétois même et thessalien, mais d'y employer aussi le langage particulier aux dieux. Tout ce que je viens de remarquer n'est point, comme je l'ai dit, pour faire des crimes à Homère, mais seulement pour faire voir que ce poète débite des faussetés avec la plus grande hardiesse, et avance des fables avec autant d'audace et de confiance que s'il disait des vérités. Après cette réflexion, on ne regardera plus sans doute comme un paradoxe chimérique l'opinion que je me suis proposé d'établir. Au contraire, les faussetés dont j'accuse Homère ne paraîtront plus que des méprises légères attachées à l'humanité, quand on les comparera aux fautes grossières où il est tombé lorsqu'il a parlé des choses divines. Note. Il y a beaucoup de leçons diverses sur ce passage. Voyez les scoliès de Morel sur Dion page 46. Fin de la note. J'entre en matière. Le dessein d'Homère était d'écrire la guerre des Grecs contre les Troyens. Or il n'a pas commencé son récit par l'origine de cette guerre, mais par un événement pris au hasard, comme sont d'ordinaire ceux qui déguisent la vérité. Ils cherchent à embrouiller leur narration par des débours, et ne veulent rien dire de suite. Ils se flattent de laisser par là moins de jours pour découvrir leurs mensonges, mais leur précaution même les trahit. On peut apercevoir cette ruse dans les affaires judiciaires, et dans les autres occasions où il s'agit de mentir avec art. Ceux au contraire qui veulent rapporter les faits tels qu'ils sont, les racontent dans l'ordre où ils sont arrivés, commençant par les premiers, partant ensuite au second, et de là au suivant. Voilà donc la première raison pour laquelle Homère n'a pas commencé ses poèmes selon l'ordre naturel. La seconde raison, c'est que son but principal était de cacher la vraie origine et le succès réel de la guerre de Troie, et d'en donner une idée toute contraire à celle qu'on en doit avoir. C'est pour cela qu'il n'a osé développer tout d'un coup, ni annoncer son système. S'il en dit quelque chose, ce n'est qu'en passant, en peu de mots, et avec un désordre visible. Il n'a pu affecter de confiance en cette occasion, et il n'y avait pas moyen qu'il s'expliquât avec méthode. Tout. Cela arrive d'ordinaire à ceux qui veulent en imposer. Occupés du soin de masquer leur but, ils racontent quantité de choses étrangères à leur sujet, et s'y arrêtent. Ils ne préparent jamais leurs auditeurs à ce qu'ils vont dire, ils se dérobent à leur attention, Ils ne mettent rien en sa place. Il semble qu'ils se cachaient pour mieux tromper, et parce qu'ils ont du mensonge, auquel on ne se livre jamais qu'avec répugnance, surtout lorsqu'il s'agit de choses graves. Aussi ceux qui mentent n'osent-ils proférer leurs mensonges d'une voix haute, les uns balbutient, et ne s'expriment pas d'une façon positive, les autres alléguant qu'ils ne savent point par eux-mêmes les faits qu'ils rapportent, et qu'ils les ont appris d'autrui. Quiconque parle avec vérité s'explique hardiment et sans détour. Homer n'a parlé ni des labeurs, ni avec assurance, de l'enlèvement d'Hélène et de la prise de Troie. Sa hardiesse n'a pu tenir, elle l'a abandonnée, quelque grande que j'ai dit qu'elle était. C'est qu'il savait que ce qu'il disait était contraire à la vérité, et qu'il déguisait les événements capitaux. Car par où convenait-il mieux qu'il commençât son récit, que par le crime et la violence de Paris, source de toute la guerre? On aurait pu lire ses poèmes, sans partager la colère des Grecs, et leur ardeur de se venger, et personne n'aurait été touché et maudit Troyen. Par là Homère se serait fait écouter avec plus d'empressement et de plaisir. Que s'il cherchait à raconter de grands événements, d'affreux malheurs, des infortunes de toute espèce, quel objet plus piquant pour la curiosité, quel événement plus intéressant et plus terrible aurait-il pu peindre que la prise même de Troie? Que de sang versé, de morts funestes, d'hommes massacrés, les uns au pied des autels où ils avaient cru trouver un asile, les autres en voulant défendre leurs femmes et leurs enfants. Que d'épouses, que de vierges enlevées, que de princesses réservées pour la honte et l'esclavage, arrachées des bras de leurs pères, de leurs frères, de leurs maris, des statues même de leurs dieux, après avoir vu leurs époux chéris ensevelis sous les morts, sans pouvoir leur faire les derniers adieux, ni leur fermer la paupière, après avoir vu écraser cruellement contre terre leurs tendres enfants. Quelle multiplicité d'images lui aurait fourni tant de temples dépouillés, tant de richesses pillées, une ville entière réduite en cendres, l'horrible bruit du fer et des flammes, les cris des mourants et des vainqueurs. Ces choses, Homère se contente de faire dire par Priam en peu de mots, et comme par prédiction, ce poète devait sans doute les raconter lui-même si elles fussent arrivées ainsi qu'il le supposait, et les représenter avec autant d'exactitude qu'à son ordinaire, peignant fortement les objets, et insistant sur les moindres détails. Note. J'adopte la correction de Casaubon, mais je crois de plus qu'il est nécessaire au lieu de, au fur et à mesure que les événements passent de lire, s'ils se produisent. Fin de la note. S'il a cherché à nous offrir des tableaux de morts illustres, comment a-t-il oublié la mort d'Achille, celle de même nom, d'Ajax, de Paris même? Pourquoi n'a-t-il point parlé de l'armée des Amazones, ni du fameux et incroyable combat de leur reine et d'Achille? Était-il réduit, pour raconter quelque chose d'admirable, à faire combattre Achille contre un fleuve, Vulcain contre le Scamandre, les dieux les uns contre les autres, à peindre leurs attaques, leurs suites, leurs blessures? Ne pouvait-il trouver sans cela rien de grand et de merveilleux à dire? Manquait-il de matière, lui qui négligeait tant d'objets intéressants auxquels Priam ne sait que toucher lorsqu'il dit que Jupiter lui réservait dans la vieillesse une mort cruelle, après qu'il aura été témoin des plus grands malheurs, qu'il aura vu ses fils massacrés, ses villes violées, ses petits-enfants écrasés contre terre, les femmes de ses fils tombées aux mains des fiers vainqueurs, et que peut-être lui-même, percé par les ennemis, sera dévoré par les chiens devant les portes de son palais. Il faut nécessairement convenir, ou qu'Homère était un mauvais connaisseur qui jugeait mal des choses, puisqu'il s'attachait aux faits les plus frivoles et les moins considérables, tandis qu'il négligeait les plus importants et les plus dignes d'être écrits, ou plutôt il faut avouer qu'il n'a pas eu la force, comme je l'ai dit, d'insister sur des mensonges, et que par cela même son propre ouvrage fait sentir quels sont les faits qu'il a voulu déguiser. Il en est de même de l'Odyssée. Homère y raconte lui-même ce qui s'est passé à Ithaque, et la mort des amants de Pénélope, mais il ne peut soutenir de débiter sous son nom les mensonges principaux, comme ce qui concerne Scylla, le Cyclope, les poisons de Circé, la descente d'Ulysse aux enfers. Il suppose que ce fut Ulysse qui raconta toutes ces choses aux convives d'Alcinoüs. C'est encore à la table d'Alcinoüs qu'Homère, dans une pièce de peu de verre, qu'il met dans la bouche de Démodocus, fait chanter la prise de Troie, et ce cheval fameux, ouvrage de la ruse des Grecs. Je me persuade qu'il n'a point étalé ces faits au commencement de son Iliade, parce qu'ils étaient imaginés à plaisir, mais à mesure qu'il publia les premières parties de son poème, il s'aperçut de l'extrême crédulité des hommes, et les méprisant assez pour les jouer, cherchant à flatter les Grecs et les descendants d'Atrée, il eut la hardiesse de tout brouiller, et d'avancer précisément le contraire de ce qui était réellement arrivé. En effet, il débute ainsi, Muse, raconte-moi le courroux fatal d'Achille, fils de Pelée, qui fut pour les Grecs la source de tant de maux, et qui causa la mort de tant de grands hommes dont les cadavres restèrent en proie aux chiens et aux oiseaux. Tel devait être l'accomplissement des volontés de Jupiter. Par là, Homère annonce qu'il parlera seulement du courroux d'Achille, et des maux infinis qu'il causa aux Grecs, dont un si grand nombre périt et demeura sans sépulture. Il semble que ce fût là le fait le plus important, le sujet propre du poème, l'accomplissement parfait des décrets de Jupiter, comme le dit le poète, et comme cela fut effectivement. Il n'annonce rien alors touchant la dernière face que prissent les choses, la mort d'Hector, ni enfin la ruine de Troie, parce que peut-être il ne s'était pas tout d'abord proposé de renverser la vérité de tous les faits, et par cette même raison, lorsqu'il veut remonter aux causes des malheurs qu'il va décrire, il ne cite ni Paris ni Hélène, mais il s'amuse à parler de Chrysès et de sa fille. Pour moi, voici ce que j'ai appris d'un prêtre égyptien de la ville d'Onuphis. Il était très savant, et se moquait fort des Grecs, qu'il regardait comme des peuples qui ne savaient presque rien de vrai. La principale preuve qu'il en donnait, était qu'il croyait que Troie avait été prise par Agamemnon, qu'Hélène, femme de Ménélas, avait été éprise de Paris, fait qu'il ne tenait que d'un seul homme qui leur en avait imposé, et dont ils étaient cependant si persuadés, que chacun d'eux était prêt d'en assurer la vérité par serment. Il ajoutait que toute l'histoire ancienne était conservée parmi les Égyptiens, ou dans les temples, ou sur des colonnes, que la plupart de ces colonnes ayant été détruites, les faits qui y étaient gravés se conservaient dans la mémoire d'un petit nombre de personnes, que plusieurs de ces anciens faits étaient devenus suspects par l'ignorance ou la négligence de ceux qui en avaient perpétué la tradition. Mais que les événements de l'histoire de Troie étaient regardés parmi eux comme des événements modernes, et qu'ils les tenaient de la bouche de Ménélas même qui avait abordé chez eux, et les leur avait racontés tels qu'ils étaient. Comme je le priais de m'en instruire, il refusa d'abord de le faire, alléguant que les Grecs étaient pleins de vanité, et que, Quoiqu'ils fussent très ignorants, ils pensaient être les plus habiles du monde. Que se croire très savant lorsqu'on ne savait absolument rien, était la maladie la plus difficile à guérir, tant dans un peuple, que dans un particulier, et qu'il était presque impossible de tirer de pareils gens de leur ignorance. Vous êtes, ajouta-t-il, si ridiculement entêté de vos opinions, que quoique vous reconnaissiez qu'un de vos poètes, Stésichore je pense, qui sur la foi d'Homère avait parlé d'Hélène comme lui, fut frappé d'aveuglement en punition de son mensonge, et que la vue ne lui fut rendue qu'après qu'il se fut dédit, vous ne laissez pas malgré cela de soutenir qu'Homère a dit la vérité. Stésichore dans ses derniers poèmes assure qu'Hélène ne fit aucun voyage sur mer. D'autres ont écrit qu'à la vérité elle fut enlevée par Paris, mais qu'elle abordait dans notre Égypte. Rien de si douteux, de si peu certain que cet enlèvement, et cependant les Grecs n'imaginent pas qu'il puisse être contesté, c'est qu'ils aiment le plaisir en toutes choses, ajoutait le prêtre égyptien, et que tout ce qui est agréablement raconté, ils le regardent comme vrai. Ils permettent aux poètes de débiter tous les mensonges qu'ils jugent à propos, c'est, disent-ils, leur privilège, mais au même temps ils ajoutent foi à ce que leur comptent ces poètes, et sur les faits qui souffrent contestation, ils s'en rapportent à leur témoignage. Note. Monsieur Thomasius a cité ce passage comme de Platon, et l'a mal traduit, dans la dissertation où il soutient l'incertitude des événements de la guerre de Troie. Fin de la note. Chez les Égyptiens au contraire il n'est permis à qui que ce soit d'écrire en vers. Ils bannissent la poésie en général, parce qu'ils savent qu'elle est pour les oreilles un voluptueux poison. Quand on est pressé par la soif, il n'est point nécessaire de boire du vin, l'eau suffit pour l'étancher. De même, lorsqu'on veut s'instruire de la vérité, il n'est point besoin de recourir à des vers, il suffit d'un discours simple. Les charmes de la poésie engagent à donner son attention à de vaines fables, comme le vin engage à boire sans servir à désaltérer. Enfin l'Égyptien consentit à satisfaire ma curiosité. Je vais tâcher de répéter ce qu'il m'a appris, et j'y joindrai les raisons qui m'y font ajouter foi. Note. J'ajoute ces mots pour rendre la transfiction plus naturelle. Je prends quelquefois des libertés semblables, lorsque je le crois nécessaire pour jeter plus de clarté dans le discours. Mais ce que j'ajoute est toujours si peu de choses, que je ne crois pas que les critiques les plus sévères puissent traiter cela d'infidélité. Fin de la note. Il me dit donc qu'autrefois régnait à Sparte un dard, prince plein de sagesse et très grand roi, qu'il avait eu de l'aide deux filles nommées Clytemnestre et Hélène, comme nous les nommons nous-mêmes, et deux fils, beaux, bien faits. Et distingués par leur valeur au-dessus de tous les Grecs, qu'Hélène avait fait grand bruit par sa beauté, que dès son enfance elle avait quantité d'amants, et qu'elle fut enlevée par Thésée, pour alors roi d'Athènes, que sur le champ les frères d'Hélène entrèrent en armes dans le royaume de Thésée, forcèrent Athènes, ramenèrent leur sœur, et crurent la venger à ses en faisant prisonnière la mère de Thésée même. S'ils avaient voulu pousser plus loin leur ressentiment, ils étaient assez forts pour faire tête à toute la Grèce, et en état de la servir tout entière. Je repris alors, qu'on disait les mêmes choses parmi nous, que j'avais même vu à Olympie, dans le fond du temple de Junon, un monument de cette aventure, sur le coffre de bois consacré par les descendants de Cypselus. Note. Le grec porte par Cypselus, Mais je corrige par les descendants de Cypselus, sur l'autorité de Pausanias, qui parle ainsi de ce coffre fameux, dans les Eliaques chapitre 17. On dit que la mère de ce Cypselus ayant accouché de lui, et sachant que les Batiates cherchaient cet enfant pour le faire périr, s'avisa de le cacher dans ce coffre. C'est le même Cypselus qui depuis fut le tyran de Corinthe. Les Cypselites, ses descendants, consacrèrent ce coffre à Junon Olympienne, en action de grâce de ce que l'auteur de leur nom avait été si heureusement sauvé, etc. Page 451 du premier tome de la version de Pausanias par Monsieur Jedouane. Fin de la note. On y avait représenté les deux fils de Léda, ayant avec eux Hélène qui foulait aux pieds la tête d'Aétra mère de Thésée, et la tenait par les cheveux. Il y avait une inscription, en caractères antiques. Note. Cette inscription était-elle selon le même Pausanias? Ibidem page 455, Hélène avec Aétra d'Athènes, ramenée. Les inscriptions de ce coffre étaient fort anciennes, puisqu'il y en avait, selon le rapport du même auteur, en écriture boustrophédone, c'est-à-dire, dont les lignes allaient alternativement de gauche à droite, et de droite à gauche. Au reste, Cypselus vivait bien des siècles après la prise de Troie, et même depuis Homère. Fin de la note. Il poursuivit en ces termes. Après les faits que je viens de toucher, Agamemnon roi d'Argos, mais étranger d'origine, et par cette raison redoutant les fils de Tindare, voulut s'allier avec eux. Il épousa donc Clytemnestre, et demanda Hélène en mariage pour son frère Ménélas. Tous les princes grecs protestèrent qu'ils ne consentiraient jamais à cette seconde alliance, dont ils prétendaient que leur naissance les rendait bien plus dignes que ne l'était Ménélas, qui descendait de Pélops. Cependant la beauté d'Hélène et la puissance de ses frères et de son père lui attirèrent des amants des royaumes étrangers. Ce que l'Égyptien me racontait me paraissait probable. En effet, on dit qu'on vint d'Italie demander en mariage la fille de Clisthène, tyran de Sicyone, que Pélops vint d'Asie épouser Hippodamie, fille d'Onomos. Que Thésée alla chercher une épouse parmi les Amazones sur les bords du fleuve Thermodon, et que Io, comme l'Égyptien le disait lui-même, passa en Égypte pour s'y marier, mais non pas transformée en vache. C'était donc, continua-t-il, un usage établi entre les plus grands princes, de se donner et de se choisir des épouses, sans égard à l'éloignement de leurs états. Paris vint comme les autres demander en mariage Hélène, et il fondait son espoir sur la puissance de son père qui était roi de presque toute l'Asie, sur le peu d'éloignement de Troie, sur le pouvoir des descendants de Pélops en Grèce et sur les alliances réitérées de leur famille avec la sienne. Il arriva avec de grandes richesses, de nombreux équipages, et tout l'éclat que le but de son voyage exigeait, mais il se fit surtout remarquer par sa bonne mine. Il entra en conférence avec Tindare, et les frères d'Hélène. Il vanta le royaume, les richesses, la puissance de Priam, dont il dit que la couronne devait lui appartenir un jour, au lieu que Ménélas n'était qu'un simple particulier, puisque ce n'était pas à lui, mais à ses neveux, que devait passer le sceptre de son frère Agamemnon. Paris ajouta que Vénus avait promis de lui procurer le mariage le plus avantageux qu'il y eût au monde, mais qu'il préférait Hélène à toutes les princesses de l'Égypte, des Indes, de l'Asie entière, parmi lesquelles il ne tenait qu'à lui de choisir, puisqu'il n'y avait point de maison si puissante que la sienne, dont la domination s'étendait depuis Troie jusqu'en Éthiopie, Et en Éthiopie même, c'était son cousin Germain qui régnait, même non fils de Titon, qui était frère de Priam. À ses discours, et à bien d'autres qui tendaient également à lui faire donner la préférence sur ses rivaux, il joignit des présents, il en fit à Léda, et tous ceux qui pouvaient le servir, et ces présents étaient si magnifiques que tous les Grecs ensemble n'en auraient pu faire de semblables. Paris représentait d'ailleurs qu'il était parent d'Hélène, puisque Priam était du sang de Jupiter, et qu'il avait ouï dire qu'elle et ses frères étaient issus de ce même dieu. Qu'Agamemnon et Ménélas n'auraient pas bonne grâce à lui objecter sa patrie, étant eux-mêmes originaires de la ville de Sipyle, et par conséquent phrygiens, qu'il était bien plus avantageux sans doute de s'allier aux rois actuels de l'Asie, qu'à ceux qui en avaient été chassés. Qu'Aucitélamon était venu à Troie, pour demander en mariage Hésione fille de Laomédon, et l'avait obtenue à la sollicitation d'Hercule, l'hôte et l'ami du père de cette princesse. Cette opinion est encore fort différente des traditions des Grecs. Tindare, après avoir délibéré sur toutes ces choses avec ses enfants, crut que l'alliance des princes d'Asie n'était pas le plus mauvais parti. La maison de Tindare était déjà alliée aux Pélopides par le mariage d'Agamemnon avec Clytemnestre. Si maintenant cette même maison s'alliait à Priam, et devenait par la suite maîtresse des états de ce roi, elle pourrait réunir sous sa domination et l'Asie et l'Europe entière, sans qu'aucune puissance fût capable de s'y opposer. Agamemnon voulut combattre les desseins de Tindare, mais il fut obligé de céder aux bonnes raisons qu'on lui allégua. Tindare lui fit sentir qu'ils étaient déjà alliés. Il lui fit comprendre aussi qu'il était de son propre intérêt que son frère Ménélas ne jouît pas d'un avantage semblable, qui pourrait l'enhardir à de dangereux projets, et qu'il devait se souvenir qu'Atrée n'avait pas respecté Thieste. Il acheva de le persuader en lui remontrant que les princes grecs rivaux de Ménélas, Diomède, Antilochus, Achille, ne souffrirait pas tranquillement que Ménélas eût la préférence, qu'il prendrait les armes, et qu'Agamemnon s'attirerait pour ennemis les plus puissants rois de la Grèce, qu'il valait donc mieux renoncer à des prétentions qui ne pourraient manquer de faire naître parmi les Grecs des divisions et des guerres. Agamemnon ne vit pas sans chagrin Tindare prendre ce parti. Mais Tindare après tout était le maître de sa fille. Agamemnon ne pouvait l'empêcher d'en disposer, et d'ailleurs il redoutait les fils de ce prince. Paris épousa donc Hélène, après l'avoir obtenue de son père et de ses frères. Charmé, enchanté de sa nouvelle épouse, il la conduisit dans son pays. Priam, Hector, toute la cour de Troie, signalèrent leur joie à la nouvelle de ce mariage, et les dieux furent remerciés de l'heureuse arrivée d'Hélène, par des prières et des sacrifices. Remarquez, continua le prêtre qui m'instruisait, combien est peu raisonnable l'opinion contraire au récit que vous venez d'entendre. Vous paraît-il possible premièrement que quelqu'un devienne amoureux d'une femme sans l'avoir vue? En second lieu, qu'Hélène se soit laissée persuader de suivre un étranger, et de quitter pour cela son mari, sa patrie, ses parents, une fille au berceau dont il me semble qu'elle était déjà mère, c'est pour sauver cette absurdité qu'on a imaginé la fable plus absurde encore des promesses de Vénus. Je veux que Paris ait pu former le dessein d'enlever Hélène. Comment la mère de Paris, comment son père, qu'on regarde non comme un homme peu sage, mais comme un prince rempli de prudence, y aurait-il consenti? Quelle apparence qu'Hector le lui eût permis, Lui qui dans la suite lui reproche avec tant d'aigreur cet enlèvement. Car c'est ainsi qu'Homère le fait parler. Malheureux Paris, fol amant, qui n'est propre qu'à séduire des femmes par ta beauté, il serait bien avantageux pour nous que tu ne fusses jamais né, ou que tu fusses mort avant ton fatal mariage. De quoi te serviront les dons de Vénus, ta lyre, tes charmes, quand tu seras couvert de poussière? Pourquoi est l'Eunus qui possédait l'art de deviner? Pourquoi Cassandre rempli de l'esprit prophétique? Pourquoi Anténor dont on admirait la sagesse, n'avait-il pas prédit à Paris les suites de son entreprise? Au lieu de la lui reprocher après coup, eux qui pouvaient l'empêcher de la tenter. Mais observez le comble de l'extravagance, et comme les mensonges se combattent les uns les autres. On dit que peu d'années avant l'enlèvement d'Hélène, Hercule avait saccagé Troie, contre laquelle il était irrité pour un sujet assez léger, puisqu'il ne s'agissait que des chevaux que Laomédon refusait de lui donner après les lui avoir promis. Je me rappelle les vers où ce fait est rapporté. Hercule, irrité du refus de Laomédon, vint devant Troie avec 6 vaisseaux seulement, et une poignée de soldats, força cette ville, et la bouleversa de fond en comble. Je dis d'abord que ceci est une pure fable. En effet, comment une ville saccagée, et absolument détruite, aurait-elle pu en si peu de temps se relever au point de devenir la plus considérable des villes d'Asie? Comment dans un temps où ses forces n'avaient été diminuées par aucun échec récent, 6 navires avaient-ils suffi à Hercule pour la forcer, tandis que peu après son bouleversement, les Grecs avec 1200 vaisseaux ne purent venir à bout de la prendre? Comment peut-on supposer qu'Hercule laissa pour roi des Troyens Priam dont il venait de tuer le père, qu'il regardait comme son plus cruel ennemi? Comment au contraire ne remit-il pas le sceptre à tout autre qu'à Priam? Que si l'on veut que tout cela soit vrai, comment Priam et les Troyens n'ont-ils pas craint d'attirer sur eux le courroux des Grecs par l'insulte la plus outrageante? Ils savaient que ces mêmes Grecs, pour des mécontentements moins considérables, les avaient désolés, et avaient renversé leur ville, plusieurs d'entre eux en conservaient encore le souvenir. Est-il possible que personne n'ait fait ces réflexions, et ne se soit opposé au dessein de Paris? D'ailleurs, comment Paris arrivé en Grèce trouva-t-il le moyen de voir Hélène, de conférer avec elle? Comment vint-il à bout de lui persuader d'oublier ce qu'elle devait à ses parents, à sa patrie, à son mari, à sa fille, à sa propre réputation? De ne point s'inquiéter du courroux de ses frères, qui vivaient encore, et qui, loin d'avoir souffert son premier enlèvement, avaient su l'arracher à Thésée? Si son époux Ménélas était présent, comment put-il ignorer ce qui se tramait? S'il était absent, quelle vraisemblance y a-t-il qu'une femme, en l'absence de son mari, ait eu des liaisons avec un étranger? Comment personne ne s'aperçut-il de l'intrigue, et si l'on s'en aperçut, comment ne la révéla-t-on pas? Comment Paris put-il en mener au même temps à être amère de Thésée, qui était prisonnière? N'était-ce pas assez qu'Aétra fût esclave à Sparte, sans désirer d'aller encore l'être à Troie? Paris conduisit toute cette affaire avec tant de sécurité, avec tant d'aisance, que non content d'enlever Hélène, il enleva aussi ses trésors, et personne ne le poursuivit, ni les gens de Ménélas, ni ceux de Tindare, ni les frères d'Hélène. On ne manquait cependant pas de vaisseau en Laconie, mais ce qui achève de rendre l'aventure incroyable, c'est que Paris se rendit tranquillement à pied de Sparte à la mer, Quoique la nouvelle d'un rap tel que le sien dût être répandue sur le champ, assurément ce ne peut être de cette façon qu'Hélène partit avec Paris, mais en conséquence d'un mariage auquel consentirent les parents de cette princesse. Alors il est convenable qu'elle emporte avec elle ses richesses, et qu'Aétra la suive. Ces circonstances désignent un mariage, et non un rapt. Après ces raisonnements, l'Égyptien reprit ainsi son récit. Quand Paris eut épousé Hélène, et qu'il fut parti avec elle, Ménélas, fort affligé de la préférence qu'on avait donnée à son rival, se plaignit amèrement de son frère, disant qu'il en avait été trahi. Agamemnon s'embarrassait peu de Ménélas, mais Paris lui causait de l'ombrage. Il soupçonnait le prince troyen de vouloir se mettre à la tête des affaires de la Grèce, vu les droits que son mariage lui donnait. Il assembla donc tous les amants d'Hélène, leur mit devant les yeux l'affront qu'ils avaient reçu, et l'insulte qu'on avait faite à la Grèce entière, en livrant à un étranger une princesse aussi accomplie. Comme s'il n'y avait personne parmi eux qui fût digne de la posséder. Il excusait cependant Tindare, à qui, disait-il, on devait pardonner, parce qu'il avait été séduit par les présents de Paris. Il rejetait tout sur Paris et sur Priam, et exhortait les princes grecs à se liguer pour déclarer la guerre à Troie, leur faisant voir beaucoup de facilité de réussir dans cette entreprise, s'ils s'y portaient tous de concert. Il leur représentait que le succès les rendrait maîtres de trésors immenses, et d'un excellent pays, que Troie était la ville la plus riche qu'il y eût, et que ses habitants étaient énervés par les délices, qu'enfin les Grecs seraient aidés par les princes de la famille de Pélops, dont il y avait beaucoup en Asie, et qui haïssait fort Priam. Note. Pour les délices, le texte grec porte de nourriture, mais je lis de truffes, correction naturelle d'ailleurs appuyée sur le manuscrit de la bibliothèque du roi cité par Morel, Scholastic Indion page 47. Le traducteur latin a suivi cette même leçon. Fin de la note. Ces discours excitèrent l'indignation de plusieurs, qui regardèrent effectivement le mariage d'Hélène comme une honte pour la Grèce. Les autres consentirent à la ligue proposée, dans la vue d'en tirer profit, car le royaume de Priam passait pour être florissant et riche. Sans doute si Ménélas eût été préféré à ses rivaux, et eût obtenu Hélène pour épouse, il se serait peu embarrassé de la lui voir enlever par Paris, et aurait au contraire été disposé à insulter au malheur de Ménélas. Mais Paris était pour eux tous un ennemi commun, et chacun d'eux voyait dans lui le rival heureux qu'il avait exclu. Agamemnon, ayant donc ainsi rassemblé une armée, envoya demander Hélène, prétendant que puisque cette princesse était grecque, elle devait épouser un prince grec. Les Troyens, Priam, et surtout Hector, furent indignés d'une demande aussi déplacée, d'autant que Paris avait épousé Hélène selon les règles, après l'avoir obtenue de son père, et qu'elle-même avait agréé le mariage. Ils répondirent qu'ils voyaient bien qu'on cherchait un prétexte de leur faire la guerre, qu'ils ne la commenceraient pas quoi qu'ils fussent les plus forts, mais que, si on les attaquait, ils sauraient se défendre. Voilà le sujet de la longue guerre que les Troyens eurent à soutenir, et dans laquelle ils essuyaient bien des malheurs, mais non tous ceux que raconte Homère. Ils virent ravager leurs terres, ils virent bien du sang couler, mais ils supportèrent constamment ces maux, parce qu'ils savaient que les Grecs les attaquaient injustement, et que Paris n'était point coupable. Si cela n'avait été, Qui des Troyens aurait souffert patiemment la perte de ses frères, de ses parents, de ses concitoyens, si ç'avait été, par le crime de Paris que Troie eût été sur le point d'être renversée, sans doute il aurait été permis de sauver la ville en rendant Hélène, mais loin de la rendre, les Troyens la retinrent, dit-on, même après la mort de Paris, et la marièrent à Déiphobus, la gardant parmi eux comme un précieux trésor, et craignant qu'elle ne leur échappât. Si jusqu'alors elle n'avait resté dans Troie que parce qu'elle aimait Paris, comment y voulut-elle demeurer ensuite? Dira-t-on qu'elle fut aussi amoureuse de Déiphobus? Certes, il est probable qu'elle aurait aisément persuadé aux Troyens de la renvoyer, disposés comme ils étaient à le faire, que si elle redoutait les Grecs, on devait d'abord traiter. Les Grecs auraient fini avec plaisir une guerre qui leur avait coûté la plus brave et la plus grande partie de leurs troupes. Mais le prétendu rapt d'Hélène n'était point réel. Les Troyens n'avaient donné aucun sujet légitime à la guerre qu'on leur faisait, et ils se flattaient par conséquent de s'en bien tirer. Les hommes, lorsqu'ils sont injustement attaqués, se défendent jusqu'à la dernière extrémité. N'allez donc pas croire que les choses se sont passées autrement que je ne le dis. En effet, il est bien plus probable que Tindare ait cherché de lui-même à contracter une alliance avec les rois d'Asie, que Ménélas déchu de ses espérances en ait conçu un vif chagrin, qu'Agamemnon qui savait que son aïeul Pélops, sorti du même pays que Priam, avait trouvé le moyen de s'emparer du Péloponnèse à la faveur de son mariage avec la fille d'Onmaüs, et craint que les descendants de Priam ne se rendissent d'eux-mêmes les maîtres de la Grèce, qu'enfin les autres princes grecs, outrés de n'avoir pu obtenir Hélène, se soient ligués ensemble contre Troie pour servir chacun leur ressentiment particulier. Il est, dis-je, bien plus facile de se persuader tout cela, que de se figurer que Paris soit devenu amoureux d'une femme qu'il ne connaissait pas, qu'il se fût embarqué dans le dessein de l'enlever, du consentement de Priam, qui venait de voir, dit-on, son propre père Laomédon, tué par les Grecs, et Troie entière détruite, que par la suite les Troyens, après avoir éprouvé toutes les horreurs de la guerre, se soient obstinés à ne pas rendre Hélène, ni du vivant de Paris, ni après sa mort, lors même qu'il ne leur restait plus aucun espoir de salut, qu'Hélène ait été éprise d'un étranger, sans qu'auparavant elle ait pu avoir avec lui aucune entrevue, qu'elle ait quitté son pays, ses parents, son mari, pour se réfugier honteusement parmi les ennemis de sa patrie, que personne ne se soit opposé à toutes ces choses, que personne ne l'ait poursuivi, soit lorsqu'elle gagna les bords de la mer à pied, soit après qu'elle fut embarquée. Qu'elle ait emmené avec elle la mère de Thésée, vieille alors, et qui visiblement devait haïr Hélène, qu'après la mort de Paris, qu'on dit qu'Hélène aimait, elle ait épousé Déiphobus, comme si Vénus la lui avait aussi promise, qu'enfin elle n'ait jamais voulu retourner auprès de son premier époux, ni les Troyens la lui restituer, jusqu'à ce que leur ville eût été prise de force. Rien de tout cela n'est ni vraisemblable, ni même possible. Ajoutez à ce que je viens de dire que, selon Homère, tous les princes grecs les moins intéressés dans la querelle se liguèrent contre Troie, excepté seulement Castor et Pollux qui devaient être plus particulièrement offensés de l'outrage fait à leur sœur. Homère cherche à couvrir sa faute en disant qu'Hélène fut surprise de ne les pas voir devant Troie, et les voulant justifier, il allait qu'ils étaient morts depuis l'enlèvement d'Hélène, Ils étaient donc vivants dans le temps qu'elle fut enlevée. Mais aurait-il attendu qu'Agamemnon traînât durant 10 ans la guerre, occupé à rassembler ses troupes? N'aurait-il pas délivré leur sœur sans temps différé, soit en s'embarquant sur le champ pour la poursuivre, ce qui était le meilleur parti, soit en portant la guerre chez les Troyens avec leurs propres forces? N'attaquèrent-ils pas sur le champ Thésée, prince grec, et l'un des plus redoutables rois d'un peuple nombreux, ami d'Hercule et de Pirithoüs, allié des Thessaliens et des Béotiens, et ils n'auraient pas attaqué Paris, et ils auraient laissé les Attrites consommer 10 ans entiers à former leur armée. Tyndare lui-même aurait dû partir pour cette expédition. Son âge avancé ne pouvait l'en dispenser, car il n'était pas plus âgé que Nestor et que Phénix, qui ne devait pas être plus sensible à l'enlèvement d'Hélène que le père même de cette princesse. Cependant, ni Tyndare, ni ses fils n'entrent dans la Lie contre Troie, elle n'est point concertée avec eux. C'est qu'ils avaient consenti au mariage d'Hélène avec Paris et qu'ils avaient préféré ce prince à ses rivaux, à cause de sa puissance et de son courage, car personne n'avait l'âme plus élevée que lui. Voilà pourquoi ni ces princes, ni aucun Spartiate ne prirent part à cette guerre. C'est donc encore une nouvelle fable de dire que Ménélas mena les Spartiates au siège de Troie, et qu'il était roi de Sparte du vivant même de Tyndare. Nestor, ni avant le siège, ni même après, ne céda point son trône à ses fils à cause de sa vieillesse. Pourquoi Tyndare aurait-il cédé le sien à Ménélas? On voit combien toutes ces choses sont dénuées de vraisemblance. Lorsque les Grecs abordèrent dans la Troade, on les empêcha d'abord de débarquer, et Protésilas ayant voulu forcer les troupes qui s'y opposaient, se fit tuer avec bien du monde. La flotte obtint la permission d'emporter ses morts, et fit voile pour la Chersonèse, de Thrace, où l'on rendit les derniers devoirs à Protésilas. De là les Grecs, courant les côtes voisines, firent des descentes, épièrent quelques bourgades, tandis que Paris et Hector, qui ne pouvaient tout défendre à la fois, et forcés d'abandonner les petites villes du bord de la mer, rassemblaient dans Troie les habitants des campagnes. Les Grecs revinrent durant la nuit dans la rade, vers le port achéen, qui depuis fut appelé la rade des Grecs. Ils débarquèrent sans être aperçus, creusèrent un fossé, et élevèrent un mur autour du lieu où ils tirèrent à sec leur vaisseau, redoutant Hector et les Troyens, et se préparant à soutenir eux-mêmes un siège. Ceux qui passent tout le reste à Homère ne peuvent lui passer ce mur qu'il fait construire, et qu'il fait ruiner ensuite par Apollon et par Neptune, qui, selon lui, en sapèrent les fondements par le moyen des fleuves qu'ils firent couler au pied. Rien de plus incroyable que cette circonstance, car, loin que le terrain dont il est question ait été miné par les fleuves, on voit au contraire aujourd'hui que ces fleuves ont ajouté aux rivages de nouvelles terres, qui ont occupé un grand espace couvert auparavant par la mer. Le reste du temps, les Grecs tantôt eurent de l'avantage, et tantôt furent maltraités. Il y avait peu de combats en règle, car ils n'osaient approcher de la ville, à cause du nombre et de la valeur des habitants. Leurs opérations se bornaient à des incursions et des escarmouches. Ce fut en des occasions semblables que périrent Troïlus, encore fort jeune, Nestor, et plusieurs autres. Achille surtout était fort habile en fait d'embuscade et de surprise de nuit. Aussi, peu s'en fallut-il qu'il ne tuât Énée, qu'il avait surpris sur le mont Ida, et bien d'autres en divers endroits. Il enlevait les postes, pour peu qu'ils fussent mal gardés. Or les Grecs n'étaient pas les maîtres du pays, mais seulement du terrain qu'occupait leur camp. S'ils eussent été maîtres de la Troade, Troïlus ne se serait pas exercé hors des murs de Troie, et même assez loin de la ville, les Troyens n'auraient tiré ni leur vin de Lemnos, ni leur grain cultivé, de la Chersonèse, ce que tout le monde convient qu'ils firent. Comme les Grecs avaient du dessous, que rien ne répondait à leurs espérances, qu'au contraire les alliés des Troyens le multipliaient tous les jours, la peste et la famine se mirent dans l'armée grecque, et la division parmi les chefs, ce qui arrive d'ordinaire quand les choses tournent mal, et non quand elles réussissent. Homère, qui n'a pu cacher généralement tout ce qui est vrai, est convenu de ce fait lorsqu'il a dit qu'Agamemnon convoqua l'assemblée comme pour congédier les troupes qui souffraient avec impatience, et qui voulaient se retirer, que les soldats coururent au vaisseau, et que Nestor et Ulysse les arrêtèrent avec peine, leur allégua certaines prédictions qui promettaient que Troie serait bientôt prise, et les priant d'attendre cet instant peu éloigné. Mais le devin qu'il citait n'avait jamais rien prédit de vrai, comme Agamemnon lui-même le dit quelques vers plus haut. Jusqu'en cet endroit, Homère paraît ne s'être pas tout à fait joué du public, et avoir eu quelques égards pour l'ordre et la vérité. Mais quand il s'agit du rapt d'Hélène, il ne fait point lui-même le récit de cet événement, qu'il devait raconter avec plus de soin et de détails que tout autre. C'est Hélène qui le reproche à Paris, c'est Hélène qui s'en plaint à Priam, c'est Paris lui-même qui le rappelle dans une conversation avec Hélène. Quant à ce qu'Homère raconte des combats singuliers de ses héros, il ne peut dire que Ménélas tua Paris, mais il dit que l'épée de Ménélas se rompit, et lui attribue une gloire frivole et un triomphe ridicule. Quoi? Ménélas qui était assez fort pour traîner au camp des Grecs Paris vivant et tout armé, ne pouvait-il arracher à Paris son épée pour l'empercer, et fallait-il qu'il l'étranglât avec la courroie de son casque? Le combat d'Hector et d'Ajax est imaginaire, et on le fait terminer tout à fait ridiculement. On suppose Ajax deux fois vainqueur, et les deux combattants se séparent après s'être fait mutuellement des présents dans aucune raison, et comme s'ils étaient amis. Mais peu après, Homère revient au vrai lorsqu'il parle de la défaite et de la fuite des Grecs, du grand nombre de leurs gens tués, des exploits d'Hector, objet qu'il s'est engagé de rapporter en quelque sorte malgré lui, et qu'il a soin de tourner à la gloire d'Achille. Selon Homère, Troie est chérie des dieux. Il fait dire à Jupiter que de toutes les villes qui sont sous le ciel, il n'y en a point qu'il aime autant que Troie, dont il chérit également le peuple et le roi. Ensuite changeant, Sipyle devient face. Proverbe grec, que j'ai tâché de rendre par un proverbe français équivalent. Comme l'on dit du blanc au noir, il détruit impitoyablement cette ville si chérie, et cela pour punir la faute d'un seul homme, supposez que cette faute soit réelle. Le poète n'a pu cacher les hauts faits d'Hector, qui défait les Grecs, les poursuit jusqu'à leur vaisseau, et jette la crainte dans le cœur de tous leurs braves. Tantôt il le compare au dieu Mars, tantôt il peint sa force semblable à celle de la flamme. Personne n'ose l'attendre de pied ferme, Apollon est à ses côtés, Jupiter du haut des cieux fait entendre en sa faveur les présages du vent et du tonnerre. Homère n'a pas voulu insister sur ces faits, mais comme ils étaient vrais, et que le cours de son récit l'engageait d'en parler, il n'a pu les dissimuler, non plus que cette nuit terrible, Cette affreuse consternation de l'armée des Grecs, cette frayeur d'Agamemnon même, ces lamentations, ce conseil tenu de nuit pour délibérer sur les moyens de s'enfuir, ces prières qu'on fait à Achille pour implorer son secours. Le lendemain il prête une folle valeur à Agamemnon, à Diomède, à Ulysse, à Eurypyle. Il dit qu'Ajax engage le combat avec ardeur, mais tout à coup il ajoute que les Troyens ont le dessus, et qu'Hector pousse les Grecs jusqu'à leurs murs et à leurs navires. Quand il raconte ces choses, il est évident qu'il les rapporte de la manière qu'elles se sont passées, conduit par le fil des choses mêmes. Mais quand il veut élever les Grecs, la matière lui manque, et chacun s'aperçoit qu'il ne débite que des fables. Il dit qu'Ajax vainquit deux fois Hector, d'abord l'épée à la main, ensuite à coups de pierre, sans tirer de ce double combat le moindre avantage, que Diomède vainquit Énée, et ne tira d'autres fruits de sa victoire que d'enlever des chevaux. Enfin Homère, pour donner moins de prise aux contradicteurs, et ne sachant qu'alléguer en faveur des Grecs, fait blesser Vénus et Mars par Diomède. Dans tout cela on voit clairement qu'Homère est porté pour les Grecs, qu'il cherche à raconter d'eux des choses merveilleuses, et que n'ayant rien de vrai à dire en ce genre, il se jette dans des récits où la vraisemblance et les dieux sont également blessés, extrémité où sont réduits d'ordinaire ceux qui combattent la vérité. Il n'est pas dans le même embarras quand il veut raconter d'Hector de grandes et d'admirables actions, sans doute parce qu'il n'a qu'à raconter les événements tels qu'ils ont été. C'est ce qu'il sait lorsqu'il peint les Grecs, et nommément les plus vaillants, fuyant à qui mieux devant Hector, lorsqu'il dit que ni Idoménée, ni Agamemnon, ni les deux Ajax n'osent l'attendre, qu'il n'y a que Nestor qui demeure, parce qu'il ne peut fuir, et que peu s'en faut qu'il ne soit pris, que Diomède qui vient à son secours, et qui d'abord paraît plein d'audace, est bientôt obligé de prendre la fuite, comme s'il était menacé de la foudre. Qu'enfin Hector franchit le fossé des Grecs, attaque le lieu où est leur flotte, brise les portes de leur camp, les contraint de se jeter dans leur navire, les réduit à borner leurs efforts à la défense de leur tente, qu'Ajax lui-même, combattant du haut des vaisseaux, est obligé par Hector de reculer et de quitter le combat, et qu'une partie de la flotte est livrée aux flammes. Il ne s'agit ici ni d'Énée enlevée par Vénus, ni de Mars blessé par un mortel. Ce sont des faits réels, et qui sont vrais exactement. Après un pareil échec, il n'était plus possible aux Grecs de rétablir le combat, ni de reprendre courage, consternés de voir que ni leur fossé ni leur mur ne leur avaient de rien servi, et qu'ils n'avaient pu défendre leur vaisseau même. Quelle puissance désormais, quel mortel invincible, et doué d'une force divine, saura d'un seul regard sauver des gens déjà perdus? Que sont les troupes des Myrmidons en comparaison de toute l'armée? Qu'est-ce que cet Achille, qui d'abord refuse de combattre, et qui durant le cours de plusieurs années en était venu aux mains plusieurs fois avec les Troyens, sans avoir tué Hector, sans avoir fait aucun exploit mémorable, sans même avoir pu enlever Troïlus, qui n'était encore qu'un enfant. Note. Le texte grec de l'édition de Morel porte, sinon d'avoir enlevé Troïlus, etc. Mais le manuscrit cité dans l'Escoliès de Morel dit, sans avoir enlevé Troïlus, et j'ai préféré cette leçon, Homère n'ayant nulle part fait mention de Troïlus enlevé par Achille. Fin de la note. Mais c'est ici qu'Homère n'a plus d'égard pour la vérité. Il se livre aux mensonges les plus hardis. Il brouille absolument, il bouleverse tous les faits, et donne partout le change. Il se joue des hommes qu'il voyait ajouter facilement foi à des autres fables, même à celles où il s'agissait des dieux. Comme il n'y avait ni historiens, ni poètes qui n'eussent consigné dans leurs ouvrages la vérité des faits dont il parlait, qu'il était le premier qui eût écrit là-dessus, que depuis ces événements bien des siècles s'étaient écoulés, que ceux qui en étaient instruits par eux-mêmes ne subsistaient plus, qu'il ne se conservait que des traditions faibles et confuses sur quelques-uns, comme c'est l'ordinaire lorsqu'il est question de faits extrêmement anciens, que d'ailleurs il écrivait pour le peuple et les ignorants, qu'enfin il avait soin d'embellir les actions des Grecs, afin de n'être pas contredit par ceux-mêmes qui savaient le vrai, il osa dire le contraire de ce qui était effectivement arrivé. Car voici comme les choses se passèrent. Achille, forcé pour sa propre sûreté de secourir les Grecs, accourut défendre la flotte. Les Troyens furent obligés de lui faire face, et de quitter sur le champ les vaisseaux, dont on arrêta l'embrasement. Achille chargea avec tant d'impétuosité, que les Troyens prirent la fuite. Hector lui-même fut contraint de repasser le fossé, chassé de l'enceinte du camp, mais avec peine, et ne cédant qu'à l'extrémité, comme on le dit dans Homère. Ces gens s'étant ralliés, et revenant à la charge, Achille à la tête des siens combattit encore avec avantage, et tua beaucoup de Troyens et de leurs auxiliaires, entre autres Sarpédon, Condisa fils de Jupiter et roi de Lycie. Il y eut surtout un grand carnage au passage du fleuve. Cependant les Troyens ne fuyaient pas en désordre, et se retournaient souvent, commandés par Hector qui entendait très bien la guerre, et qui savait faire ferme à propos. Il n'attaqua pas Achille tant qu'il le vit frais et avec toute sa vigueur. Il se contenta de le faire harceler, mais quand il s'aperçut que le prince grec commençait à le lasser, qu'il ralentissait sa première ardeur, parce qu'il s'était ménagé, économisé, dans le combat, qu'il avait été fort fatigué par le fleuve où il s'était jeté sans précaution, qu'il avait été blessé par Astérope fils de Paon, qu'il n'avait pu vaincre Énée, qui, après avoir combattu longtemps contre lui, était sorti du combat sain et sauf, et quand il avait voulu, qu'enfin, quoiqu'il passât pour être fort léger à la course, il avait poursuivi Anténor sans pouvoir l'atteindre. Hector, dis-je, jugea que dans de pareilles circonstances, habile comme il était dans l'art de combattre, il viendrait aisément à bout d'Achille. Il alla donc hardiment au-devant de lui jusqu'au milieu du champ, puis affectant de l'éviter, fit semblant de fuir, pour l'exciter et le mettre hors d'haleine. Tantôt il l'attendait de pied ferme, et tantôt il prenait la fuite. Enfin, voyant que son ennemi était accablé de lassitude, ne pouvait plus le suivre, et avait à peine la force de porter ses armes, il courut sur lui, le tua, et s'empara de ses dépouilles, comme Homère le rapporte. Ce poète ajoute qu'Hector voulut aussi se saisir des chevaux d'Achille, mais qu'ils lui échappèrent, cependant il les prit réellement. Ce ne fut qu'avec peine que les Ajax purent emporter son corps jusqu'au vaisseau, profitant de la confiance des Troyens, qui, se croyant sûrs d'une victoire complète, ne les poursuivirent pas avec assez de vivacité. Pour Hector, après s'être revêtu des armes d'Achille, signe de son triomphe, il ne cessa de poursuivre et de tuer jusque sur les bords de la mer, et la nuit seule empêcha que la flotte entière ne fût réduite en cendres. Tout s'étant passé comme je viens de le dire, Homère, qui ne pouvait cacher ses faits, afin que ce fût Patrocle, qui ayant pris les armes d'Achille vint au secours des vaisseaux à la tête des Myrmidons, et qu'il fût tué par Hector, qui s'empara des armes d'Achille de cette manière. Mais dans le danger où se trouvait le camp, une partie de la flotte étant embrasée, Achille lui-même se trouvant presque en péril, entendant dire qu'Hector ne rencontrait personne qui pût lui résister, que Jupiter secondait ce Troyen, et lui donnait des présages favorables, comment dans une occasion si pressante, Achille, s'il voulait sauver les Grecs, restait-il dans sa tente, lui qui était le plus brave de l'armée, et se contentait-il d'envoyer à leur secours un homme bien moins redoutable que lui? Est-il probable qu'il ait chargé Patrocle de tomber sur les Troyens et de les presser vigoureusement, et qu'il lui eût au même temps recommandé de ne point combattre contre Hector? Il me semble qu'il n'était pas au pouvoir de Patrocle, une fois engagé dans l'action, de choisir ceux contre qui il voudrait combattre. D'ailleurs, si Achille faisait si peu de cas de la valeur de Patrocle, et y avait si peu de confiance, comment donc lui remettait-il ses troupes, ses armes, ses chevaux, à moins qu'il ne s'en souciât guère, et qu'il ne voulût bien les perdre? Achille prie Jupiter d'accorder à Patrocle le bonheur de revenir avec ses armes et ses soldats, tandis qu'il l'envoie avec une telle imprudence contre un ennemi supérieur de qui personne n'osait accepter le défi. Agamemnon dit tout haut qu'Achille même redoutait Hector, et n'osa combattre contre lui. Achille le conduisant ainsi a-t-il bonne grâce de se plaindre qu'il a perdu son ami, ses soldats, qu'il a pensé perdre ses chevaux, et qu'il se trouve sans armes? Certes, il n'est pas possible qu'Achille ait agi de la sorte, à moins qu'on ne le suppose fou, encore Phénix l'en aurait-il empêché. Mais, dit Homère, Achille ne voulait pas tirer tout à fait les Grecs de danger, jusqu'à ce qu'on lui eût rendu son butin. Son courroux n'était pas encore apaisé, et qu'il empêchait, après avoir mis les choses dans l'état où il les voulait, de reprendre son courroux. Homère, qui a senti cette absurdité, semble vouloir faire entendre qu'Achille ne reste, oisif qu'à cause de certaines prédictions, par laquelle, il est menacé de périr s'il quitte sa tente. Ainsi le poète l'accuse ouvertement de timidité. Mais cette prédiction l'autorisait à s'en retourner dans ses états, puisqu'il était en querelle avec Agamemnon. D'autre côté, il avait appris de sa mère quel serait le sort de Patrocle, qu'il chérissait, disait-il comme lui-même, et à la perte duquel il était résolu de ne pas survivre. Achille s'apercevant que son javelot était trop pesant pour Patrocle, lui en donna d'autres, sans doute, qui ressemblaient à ce javelot, et il ne craignit point qu'il ne pût les porter, comme le poète dit que cela arrivait quelquefois dans les combats. Si l'on voulait tout relever, on aurait beaucoup à faire. Mais le faux se fait si clairement apercevoir, pour peu qu'on y fasse attention, que tout le monde voit manifestement et sans effort que Patrocle est un personnage introduit par Homère, presque uniquement pour voiler ce qui est arrivé à Achille. Cependant, quelqu'un pouvait chercher le tombeau de Patrocle, ceux des illustres Grecs qui périrent devant Troie étant sans doute connus. Homère prévient l'embarras en disant que Patrocle n'eut point de tombeau particulier, et qu'il fut enterré avec Achille même. Or quoi qu'Antilochus eût été tué pour sauver Nestor, cependant Nestor ne désira point d'être enterré avec Antilochus, dont il ne rapporta point les os dans sa patrie, et l'on veut que les os de Patrocle aient été mêlés avec ceux d'Achille. Ce commère voudrait surtout pouvoir cacher, c'est qu'Achille fut tué devant Troie. Mais voyant que cela n'était pas possible, que la tradition de ce fait était trop bien conservée, que le tombeau de ce héros était connu, le poète tâche du moins de faire croire qu'Achille ne fut pas tué par Hector, et qu'au contraire Hector, ce grand homme si supérieur à tous les autres, fut tué par le prince grec, qui fit 1000 insultes à son cadavre, le traînant autour des murailles. Homère sachant cependant que le tombeau d'Hector existait, et qu'il était l'objet de la vénération des Troyens, ajoute que le corps de ce guerrier fut racheté, que Jupiter ordonna qu'il fût rendu, et que Vénus et Apollon eurent soin de le préserver de la corruption. Le poète se trouve pourtant fort embarrassé d'Achille, car il ne peut se dispenser de le faire tuer par quelque Troyen, ne voulant pas qu'il se perce à lui-même comme Ajax. Mais jaloux de la gloire du vainqueur de son héros, Homère suppose qu'il fut tué par Paris, qu'il a eu soin de peindre comme le plus faible et le plus timide des Troyens, comme un homme dont Ménélas se saisit sans peine, comme un lâche, déshonoré parmi les Grecs, et qu'on insulte impunément. En attribuant la mort d'Achille à Paris, Homère prétend diminuer la gloire d'Hector, mais il fait tort à celle d'Achille même qu'il fait périr d'une façon moins honorable et moins brillante. Enfin, il fait combattre Achille lorsqu'il était sur le point de mourir, mais comme ce héros n'avait point ses armes, dont Hector s'était emparé, ce mot de vérité échappe à Homère. Le poète ne laisse pas de dire que Thétis lui en apporta du ciel, qui avait été forgé par Vulcain. Ensuite, il suppose ridiculement qu'Achille seul met tous les Troyens en fuite, et il oublie tout le reste des Grecs, comme s'il n'y en eût eu d'autre qu'Achille. Une fois abandonné aux fables, il confond tout, il fait combattre les dieux les uns contre les autres, avouant en quelque sorte par là qu'il n'a aucun égard pour la vérité. Il n'écrit d'Achille que des exploits misérables et incroyables. Il le peint ici combattant contre un fleuve, la menaçant Apollon qu'il poursuit. On peut juger par toutes ces choses dans quelle disette il se trouve, car lorsqu'il a des faits vrais à raconter, il ne s'arrête point ainsi à des fables incroyables et rebutantes. Tandis que les Troyens fuyaient heureux de se sauver dans leurs murs, Homère suppose qu'Hector, malgré les prières de son père et de sa mère, osait tendre Achille hors de la ville. Mais bientôt il peint Hector fuyant lui-même autour des murailles de Troie, où cependant il était bien le maître de se réfugier, et Achille courant après lui sans pouvoir le joindre. Quoique Homère le nomme toujours le mortel le plus léger à la course. Note. Homère donne ordinairement à Achille l'épithète d'Apied rapide, Achille, vite-pied. Fin de la note. Tous les Grecs regardent, comme s'ils n'étaient là qu'en qualité de spectateurs. Aucun d'eux n'aide Achille, quoique Hector leur ait causé tant de maux, et qu'ils le haïssent au point de l'accabler de coups après sa mort. Le poète feint après cela que Déiphobus, ou plutôt Minerve sous les traits de Déiphobus, sort des murs, trompe Hector, et au milieu du combat lui vole sa lance. Il ne sait pas où faire tuer Hector. Il s'embarrasse dans ses propres fables, et il raconte tout le combat comme pourrait faire quelqu'un qui rêverait, car tout ce qu'il en rapporte ressemble aux songes les moins raisonnables. Note. En cet endroit, et en quelques autres que le lecteur aura sans doute remarqué, la critique que Dion fait d'Homère est assurément trop sévère. Il est non seulement permis, il est même essentiel d'employer le merveilleux dans un poème épique. Dion ne pouvait se dispenser de remarquer que tout ce merveilleux n'annonce rien moins que des vérités historiques, mais il ne devait pas en faire un crime à Homère. Il lui suffisait de reprocher aux Grecs d'avoir pris les fables d'Homère pour des vérités. Quant aux fautes contre la vraisemblance, Dion les exagère quelquefois. Fin de la note. Il ne pousse pas plus loin l'histoire du siège, n'y trouvant plus rien qu'il puisse faire entrer dans son poème, et qui s'accorde avec ses fables, il décrit je ne sais quel jeu funèbre, et tout à fait ridiculement, aussi bien que l'arrivée du roi Priam, qui apporte de quoi racheter le corps d'Hector, et se rend auprès d'Achille dans le camp des Grecs, sans qu'aucun Grec s'en aperçoive. Le poète n'a osé décrire les grands et merveilleux exploits des alliés des Troyens, tels que Memnon et les Amazones, ni la mort d'Achille, ni enfin la prise de Troie. Sans doute il n'a pu soutenir de faire tuer Achille longtemps après qu'il ne vivait plus, ni de représenter comme vainqueurs ceux qui avaient été défaits et forcés de se retirer, ni de peindre le sac d'une ville qui est demeurée victorieuse, mais ceux qui sont venus après lui, séduits par l'erreur qui a prévalu, ont écrit tous ces événements avec confiance. Or voici la vérité des choses. Achille ayant été tué par Hector en défendant les vaisseaux, les Troyens passèrent la nuit, comme ils avaient toujours fait, dans le voisinage où était la flotte, afin de garder à vue les Grecs qu'ils soupçonnaient de vouloir se sauver à la faveur des ténèbres. Hector, plein de joie de ce qui s'était passé, retourna dans la ville auprès de ses parents et de sa femme, laissant Paris alarmée. Pour lui, il dormit tranquillement aussi bien que les habitants de Troie, comme cela était naturel à des gens fatigués qui n'avaient rien à craindre dans la position avantageuse où se trouvaient leurs affaires. Durant ce temps, Agamemnon, Nestor, Ulysse et Diomède, tinrent conseil, et voyant que la veille ils avaient pensé être perdus, qu'ils n'étaient plus maîtres de leur retraite, qu'une grande partie de leur flotte avait été brûlée, qu'il ne restait pas un seul vaisseau à Protésilas, ils firent sans bruit mettre à la mer plusieurs de leurs navires, sur lesquels ils passèrent dans la Chersonèse, abandonnant beaucoup de prisonniers et de bagages. Au point du jour on s'aperçut de leur départ. Hector en fut au désespoir, et fit de vifs reproches à Paris, l'accusant d'avoir laissé échapper l'ennemi de ses mains. Les Troyens pillèrent et brûlèrent ce que les Grecs avaient laissé, mais ceux-ci étaient en sûreté, car les gens d'Hector n'avaient point de vaisseau prêt pour les poursuivre. Les Grecs ayant délibéré sur ce qu'ils avaient à faire, tous furent d'avis de s'en retourner, ayant perdu quantité de soldats et de braves chefs, mais il y avait à craindre que les Troyens ne fabriquassent promptement des navires, et ne passassent en Grèce. Ainsi les Grecs jugèrent qu'il était nécessaire de demeurer, de faire des courses comme dans le commencement de la guerre, de fatiguer Paris pour l'engager à traiter, et de rétablir la bonne intelligence entre les deux peuples, pour se retirer ensuite. Après qu'ils eurent pris ces résolutions, et qu'ils eurent commencé de les exécuter en s'arrêtant dans la Chersonèse, il arriva aux Troyens des secours. Memnon leur en amena d'Éthiopie. Les Amazones, Dupont, il leur en vint encore d'ailleurs. Dès qu'on sut que Priam et Hector avaient le dessus, et que l'armée grecque était presque détruite, on accourut, les uns, par bonne volonté, les autres parce qu'ils redoutaient la puissance de Priam. Ce ne sont point les vaincus ni les malheureux, mais les vainqueurs et ceux à qui tout réussit, que tout le monde s'empresse de secourir. Les Grecs de leur côté firent venir le plus de renforts qu'ils purent tirer de chez eux, car aucun peuple étranger n'était dans leurs intérêts. Ils appelèrent donc Néoptolème fils d'Achille, et encore fort jeune, Philoctète qu'ils avaient laissé derrière eux, parce qu'il était malade, et quelques autres secours de cette espèce, faibles et peu aguerris. L'arrivée de ces renforts leur ayant fait reprendre un peu courage, ils firent voile de rochers vers Troie, et élevèrent un nouveau mur beaucoup plus petit que le premier, non pas dans le même endroit au bord du rivage, mais dans un lieu qui le dominait. Ils tirèrent à sec derrière ce mur quelques-uns de leurs vaisseaux, et laissèrent les autres au-delà de sa mer, dans la Chersonèse, d'où ils partaient, car ils n'avaient aucun espoir de prendre Troie, et ne cherchaient qu'à faire la paix, comme je l'ai dit. Ainsi ils ne poussaient pas à la guerre de suite, leur conduite était en quelque sorte équivoque, et leur but principal était leur retraite. C'est pourquoi ils se bornaient le plus souvent à des incursions et des embuscades. Un jour qu'ils avaient formé une attaque plus considérable qu'à l'ordinaire, ayant entrepris de forcer un poste, Hector tuait Ajax, et Memnon tuait Antilochus qui défendait son père. Mais Memnon, percé par Antilochus mourut de ses blessures tandis qu'on l'emportait, et cette journée fut plus heureuse aux Grecs, qu'aucune autre ne l'avait encore été, car non seulement Memnon, prince d'une grande réputation, avait été blessé à mort, mais la reine des Amazones, qui avait couru au vaisseau avec trop de témérité, et qui tâchait d'y mettre le feu, fut tuée d'un coup de gaffe. Lance de Naumachie, par Néoptolème, qui combattait de dessus la flotte, et Paris expira percé d'une flèche par Philoctète. Les Troyens se décourageaient en voyant que la guerre durait toujours, et qu'ils ne gagnaient rien à vaincre. Priam était devenu tout autre depuis la mort de Paris, il était accablé de chagrin, et tremblait pour les jours d'Hector. D'un autre côté, les affaires des Grecs avaient fort empiré depuis qu'Antilochus et Ajax avaient été tués. Ils députèrent donc pour proposer des conférences, offrant de se retirer si l'on voulait faire la paix, et s'engager respectivement par serment à ne jamais porter la guerre les uns en Asie, et les autres à Argos. Hector s'opposait au traité, disant que les Troyens étaient supérieurs, et qu'ils renverseraient le mur que les Grecs avaient élevé. Il était surtout outré de la mort de Paris, mais Priam lui représenta sa vieillesse, le désir qu'il avait de mettre en sûreté la vie de ses enfants et de ses autres sujets, et touché par ses prières, Hector consentit à la pacification. Aux conditions cependant que les Grecs paieraient les frais de la guerre, et promettraient des dédommagements, pour avoir été injustement agresseurs, pour avoir ravagé le pays durant plusieurs années, et tué plusieurs personnes considérables, entre autres Paris qui ne leur avait fait aucun tort, et qu'ils ne haïssaient que parce que son alliance avait été préférée à celle des princes de Grèce. Et qu'il avait épousé une princesse grecque après l'avoir obtenue de ceux qui avaient droit d'en disposer. Ulysse, chargé de la négociation, répondait que les Grecs n'avaient pas fait plus de maux à Troie, qu'ils n'en avaient eux-mêmes souffert. Il rejetait sur les Troyens la cause de la guerre, prétendant que Paris n'avait point dû venir prendre une épouse en Grèce, qu'il y avait assez de princesses en Asie, qu'il ne convenait pas qu'à la faveur de ses richesses il enlevât Hélène aux princes grecs en les bravant, que ce mariage ne s'était pas fait sans des vues particulières, que Paris en avait eu de contraire aux intérêts des Grecs qui ne les avaient pas ignorés, que puisque les dommages étaient égaux de part et d'autre, Il ne restait qu'à mettre bas les armes, ce qui était d'autant plus naturel qu'il y avait alliance et parenté par Pélops entre la famille de Priam et les Atrides. Quant à l'argent qu'Hector demandait, Ulysse tourne la chose en plaisanterie, disant que les Grecs n'en avaient point, et qu'actuellement il y en avait un grand nombre qui s'étaient volontairement rendus à l'armée, parce qu'ils n'avaient pas de quoi vivre chez eux. En parlant de la sorte, il avait aussi pour but de détourner les Troyens du dessein de porter la guerre en Grèce. Il ajouta que si l'on croyait que les Grecs dussent par bienséance faire aux Troyens quelque sorte de réparation, il en avait imaginé une, que les Grecs brûleraient dans la Troade un grand et superbe monument, qu'ils consacreraient à Minerve, et qu'ils y mettraient cette inscription, offrande des Grecs à Minerve troyenne, que ce monument ferait aux Troyens un honneur infini, et serait un témoignage de l'infériorité des Grecs. Ulysse engagea Hélène de solliciter la conclusion de la paix qu'il proposait. Elle le fit avec ardeur, car elle était fort fâchée de ce qu'elle paraissait être la cause de tous les maux que les Troyens enduraient. Les articles furent donc dressés, et la paix jurée par les deux parties. Homère a remplacé par des fictions ces faits qu'il suppose n'être point arrivés. Au reste, continua l'Égyptien, les Troyens échangèrent, avec libation, les traités, et l'observation en fut respectivement jurée par Hector, par Agamemnon et les autres chefs. Selon ces conventions, les Grecs s'obligeaient de ne point porter la guerre en Asie, tant que la race de Priam y régnerait, et ses traces promettaient de son côté de ne porter ses armes ni dans le Péloponnèse, ni dans la Béotie, ni en Crète, ni à Ithaque, ni en Phthie, patrie d'Achille, ni en Eubée. Ce furent les seuls pays exceptés, les Troyens ne voulant rien stipuler pour les autres royaumes de Grèce, auxquels les Atrides s'intéressaient peu. La paix étant ainsi jurée, les Grecs firent construire un monument prodigieux, représentant un cheval. Les Troyens voulurent le transporter dans leur ville, mais comme les portes se trouvèrent trop petites, ils abattirent un pan de leur muraille, ce qui fit dire par plaisanterie qu'un cheval avait forcé Troie. En conséquence du traité, l'armée grecque se retira. Ensuite Hector fit épouser Hélène à Déiphobus, le plus illustre de ses frères après lui. Priam termina ses jours, qui auraient été parfaitement heureux sans le chagrin qu'il ressentit de la mort de ses fils. Hector, qui lui succéda, régna longtemps, soumis à sa domination presque toute l'Asie, et mourut fort vieux, laissant le trône à son fils Scamandre. Note. Le grec ne nomme point Hector en cet endroit, qui au premier coup d'œil semble devoir s'entendre de Priam. Mais le prince dont il s'agit ici était père de Scamandre. Par conséquent, c'est sans contredit Hector, et non Priam. Fin de la note. Telle est la vérité des choses. Je sais fort bien que personne ne se le persuadera, ni les Grecs, ni vous-même, Troyens, excepté les gens capables de solides réflexions, car la calomnie et les vieilles erreurs sont fort difficiles à détruire. Mais mettez à part les préjugés qui vous aveuglent, et voyez combien est ridicule l'opinion contraire à celle que je viens de rapporter. Ne l'est-il pas qu'une armée entière se soit cachée dans le ventre d'un cheval? Note. Je ne puis m'empêcher de justifier cet endroit de Dion contre la critique peu exacte d'un célèbre moderne, qui explique ainsi. Le déclamateur grec devait savoir que ce cheval de bois, chanté par les poètes, était une machine militaire dont on se servait pour abattre les murailles, comme on s'est servi depuis du bélier pour le même usage. Pausanias, écrivain sage et judicieux, avait vu la représentation de ce prétendu cheval dans la citadelle d'Athènes. Et il marque qu'on ne saurait s'empêcher de le prendre pour une de ces machines militaires qui tenaient autrefois lieu d'artillerie. Je ne m'arrêterai point à prouver ici que l'on prenait communément à la lettre ce que les poètes ont dit du cheval de Troie, et qu'on le regardait comme un colosse prodigieux. Je veux seulement remarquer que le censeur de Dion n'a pas bien compris le sens du passage de Pausanias, sur lequel il fonde sa critique. Voici ce passage, selon la version de M. Gédoine. Je n'oublierai pas non plus un cheval de bronze fait à la ressemblance de ce fameux cheval de bois, qui était certainement une machine de guerre inventée par Épéus, et propre à renverser des murs. Ou bien il faut croire que les Troyens étaient des stupides, des insensés, qui n'avaient pas ombre de raison. Mais comme c'est une opinion reçue que les plus vaillants de l'armée des Grecs se cachèrent dans le ventre de ce cheval, et la forme du cheval de bronze dont je parle cadre avec tout ce que l'on dit du cheval de Troie, etc. On voit que le critique a mal entendu Pausanias, et que le passage cité contre Dion est au contraire tout à fait propre à le justifier, puisqu'il en résulte que la figure décrite par Pausanias représentait le cheval de Troie comme Dion nous le peint, que c'était l'opinion commune, et que Pausanias, en érigeant ce cheval en machine de guerre telle que le bélier, ne propose qu'une conjecture uniquement fondée sur l'impossibilité d'un cheval de bois farci de gens de guerre. Fin de la note. Que les Troyens, loin de s'en apercevoir ou de le soupçonner, quoiqu'ils eussent parmi eux un excellent devin, et eux-mêmes transporté leurs ennemis dans leur ville, qu'auparavant, toute une armée étant défaite, un seul homme sans armée était capable, par le seul son de sa voix, de mettre en fuite des milliers de soldats vainqueurs, qu'après qu'il reçut du ciel les armes qui lui manquaient, il est défait et poursuivit seul toute une armée, qui la veille était victorieuse. Que cet homme si supérieur à tous, ait été tué par le plus lâche des mortels, comme les Grecs le disent eux-mêmes. Qu'un des chefs ayant été tué, on ait pris sur lui les dépouilles d'un autre, et que ce chef ait été le seul qui n'ait point eu son tombeau. Qu'un autre chef des plus vaillants, après avoir combattu bien des années, n'ait point été tué par l'ennemi, mais se soit tué lui-même dans un accès de fureur, lui qui passait pour le plus doux, le plus modéré de l'armée. Qu'enfin un poète qui s'est proposé d'écrire la guerre de Troie ait oublié les plus beaux et les plus grands événements, et n'ait pas même décrit la prise de cette ville, or ce qu'a dit Homère, mérite évidemment ses reproches. Note. Ce qu'a dit Homère, qu'Achille seul ait mis en fuite une armée, etc. Ce qu'a fait Homère, en omettant de parler des principaux faits de la guerre de Troie, c'est parce que c'est parmi ceux qui sont convaincus ou informés. Naujorgus a mal rendu ce passage, et Casaubon, diatribe page 14, a cru sans une raison suffisante qu'il fallait y ajouter une négation, c'est parce qu'il ne fait pas partie de ceux qui sont convaincus ou informés. En effet, il dit qu'Achille, tous les Grecs ayant été vaincus plus d'une fois, ses propres troupes même ayant aussi été défaites, se présenta seul, et vint seul à bout de faire changer la victoire, que ce même Achille, après avoir tué Hector, fut tué par Paris le plus lâche des Troyens de leur propre aveu, que quand Patrocle fut tué, ce furent ses armes et les dépouilles d'Achille qu'on lui enleva, et qu'on ne creusa point de tombeau pour Patrocle. Tout le monde savait qu'Ajax était mort devant Troie, et l'on connaissait son tombeau, mais Homère, ne voulant pas faire honneur aux Troyens de la mort d'Ajax, suppose qu'il le tua lui-même. Les Grecs, après avoir vu leur camp et leur navire brûlé par Hector, leurs murs forcés, sont contraints de consacrer un monument à Minerve avec une inscription qui atteste leur défaite, se sauvent de l'Asie à la dérobée. Mais ils ne laissent pas de prendre Troie dans Homère, leur armée se cache dans les flancs d'un cheval de bois, les Troyens soupçonnent la ruse, et délibèrent s'ils brûleront ce cheval, ou s'ils le mettront en pièces. Puis ils ne font ni l'un ni l'autre. Ils se livrent au vin et au sommeil, et cela malgré tout ce que leur prédit Cassandre. Toutes ces choses ne ressemblent-elles pas aux songes, aux fables les plus incroyables? Dans les songes écrits par Horus, les hommes ont de pareilles visions. Ils s'imaginent tantôt être tués et dépouillés, tantôt ressuscités et combattre sans armes, tantôt poursuivre quelqu'un, parler aux dieux, se tuer sans sujet, et après tout cela se promener sur la mer. Ainsi l'on pourrait à juste titre nommer les poèmes d'Homère une sorte de rêve, et de rêve très extravagant et très confus. Entre les choses dont on demeure d'accord, celle-ci surtout mérite d'être remarquée. Tout le monde convient qu'il était hiver lorsque les Grecs partirent d'Asie, ce qui fut cause qu'ils perdirent la meilleure partie de leur flotte sur les côtes de l'Eubée, que tous ne suivirent pas la même route, qu'il y eut des dissensions dans l'armée, et entre les Atrides même, que quelques-uns suivirent Agamemnon, d'autres Ménélas, et que le reste s'en retourna comme il jugea à propos. Homère rapporte lui-même tout cela dans l'Odyssée. Or si les Grecs eussent réussi, il est probable qu'ils seraient demeurés unis, qu'ils auraient obéi à leur chef, et que Ménélas ne se serait pas brouillé avec son frère dans l'instant où il venait d'en recevoir des services. Au contraire, toutes ces choses ont dû arriver, s'il est vrai que les Grecs furent défaits, et ne purent réussir dans leur entreprise. D'ailleurs, il est naturel que des gens effrayés et fugitifs quittent le pays ennemi le plus promptement qu'il leur est possible, mais des vainqueurs, qui ne risquent rien à demeurer, qui sont supérieurs, qui outre leur propre bagage ont tant d'esclaves et de richesses, doivent attendre la saison la plus favorable, puisqu'ils sont les maîtres du pays, et qu'ils y ont tout en abondance. Note. Je m'écarte des corrections de Casaubon. Le texte de Dion me paraît vicieux en cet endroit, mais je crois qu'on peut le restituer plus naturellement et à moins de frais que Casaubon ne l'a fait, en lisant seulement, ils ne prennent pas de risque, au lieu de ils le risquent. Fin de la note. Après y avoir passé 10 ans, ils ne doivent pas assurément s'exposer à périr de peur d'y demeurer quelque temps de plus. Les malheurs que les Grecs essuient à leur retour chez eux prouvent bien clairement leur mauvais succès et leur faiblesse. Les gens qui ont réussi, les vainqueurs n'ont point ordinaire de trouver tout contre eux. On les admire, on les redoute. Les malheureux au contraire paraissent méprisables, non seulement aux étrangers, mais à leurs propres amis. On voit Agamemnon méprisé par sa femme même, à cause de sa défaite. Égide lui dresse des embûches, et devient aisément supérieur, secondé par les Argiens qui le reconnaissent pour roi. Certes, Égiste n'aurait pas tué Agamemnon si ce prince fût revenu puissant, glorieux, triomphant des forces de l'Asie. Diomède, qui en fait de gloire militaire ne le cédait à personne, fut chassé de chez lui, aussi bien que Néoptolème, et bientôt après tous les autres furent chassés du Péloponnèse, soit par les Grecs même, soit par d'autres ennemis. Malheur qui firent manquer la race de Pélops, à qui donnèrent lieu aux Héraclides de prendre le dessus, eux qui auparavant étaient sans gloire et sans force. Ulysse différa volontairement son retour, tant par honte, que par la crainte qu'il avait de trouver les affaires de sa maison en mauvais état. Ce délai fut cause que toute la jeunesse céphalénienne forma le projet de s'emparer de ses richesses, et d'épouser Pénélope. Aucun des amis d'Ulysse, non pas même Nestor qui lui était si attaché, ne défendit les intérêts de ce prince. Tous ceux qui s'étaient ligués contre Troie n'osaient remuer, parce qu'ils avaient mal réussi. S'ils fussent revenus vainqueurs, ils n'auraient paru rien moins que timides, et personne n'aurait osé leur susciter des affaires. Pour Ménélas, il ne retourna jamais dans le Péloponnèse, il se fixa en Égypte. Entre autres preuves qu'on en a, il y a une contrée qui porte son nom, ce qui ne serait pas s'il n'eût fait qu'y aborder, ou qu'il n'y eût resté que peu de temps. Il y épousa la fille du roi, et apprit aux prêtres de ce pays toute l'expédition de Troie, sans leur rien cacher. Quelques indices qu'il y retrouva Hélène qui y était toujours demeurée. Ils ajoutent, ce qui est le plus inconcevable, qu'on n'avait eu à Troie que le fantôme de cette princesse, et que ce fut pour ce fantôme qu'on fit la guerre durant 10 ans. Homère semble avoir su le voyage de Ménélas en Égypte, et en avoir parlé, énigmatiquement, lorsqu'il a dit que Ménélas, après sa mort fut envoyé par les dieux dans les Champs-Élysées, où il n'y a ni neige, ni hiver, où l'air est toujours doux et serein. Le climat de l'Égypte est tel en effet. Il semble aussi que quelques poètes postérieurs ont entrevu la vérité des choses, car un poète tragique représente Oreste voulant assassiner Hélène qui court au-devant du coup, mais les frères d'Hélène apparaissent, et elle disparaît tout à coup. Confère Euripide, Oreste, acte 2. Or ce poète n'aurait pas avancé ce fait, s'il était vrai, qu'on vit depuis Hélène, vivre en Grèce avec Ménélas. Depuis la guerre, les affaires des Grèces se trouvèrent dans un état de faiblesse et de décadence, les Troyens au contraire devinrent plus florissants et plus glorieux que jamais. Aussi vite on est né, envoyé par Hector avec une flotte et des troupes nombreuses, s'emparer de l'Italie, le plus beau pays de l'Europe. Et l'Eunus abordait au milieu de la Grèce, et se faire roi des Molosses et de l'Épire près de la Thessalie. Lequel des deux est le plus probable que les vaincus passent dans le pays des vainqueurs et y fondent des royaumes, ou que ce soit plutôt les vainqueurs dans le pays des vaincus? Si ceux qui suivirent Énée, Anténor, et l'Eunus, étaient des fugitifs échappés des débris de Troie, pourquoi ne se réfugia-t-il pas partout ailleurs qu'en Europe et en Grèce? Pourquoi ne préférait-il pas quelques contrées de l'Asie au lieu d'aborder chez des ennemis qui venaient tout récemment de les détruire? Comment vinrent-ils à bout de se faire tous souverains, et non pas de pays peu vastes, ou peu célèbres, car il ne tint qu'à eux de se rendre maîtres de la Grèce? Mais ils s'en abstinrent pour ne pas violer les traités. Hellénus ne laissa pas cependant d'en occuper une bonne partie. L'Épire, Anténor s'empara du pays des Énotes, et de l'excellent terrain autour d'Adria, aujourd'hui l'État de Venise, et ne régna sur toute l'Italie, et y fonda la plus grande ville qu'il y ait dans l'univers. Assurément, il n'est point vraisemblable que des fugitifs, après avoir essuyé les plus grands malheurs dans leur patrie, aient pu former des établissements de cette nature. Ils auraient dû être trop heureux que quelqu'un eût voulu leur accorder retraite. D'ailleurs, avec quel fonds, avec quelles troupes partirent-ils, eux qui s'embarquaient au milieu de leurs ennemis, au milieu de Troie en flammes, ayant tout perdu, se trouvant dans des conjonctures où, loin de pouvoir s'embarquer avec leurs pères, leurs enfants, leurs femmes, leurs effets, les plus jeunes et les plus vigoureux pouvaient à peine sauver leur vie, dans les circonstances d'une ville surprise, où l'on n'a pas, comme dans le cas d'une capitulation, un temps pour se retirer. Si ces suppositions sont impossibles, il est très possible au contraire que les choses soient arrivées comme j'ai dit qu'effectivement elles ont été. On raconte en effet qu'après le départ des Grecs, Hector voyant que Troie était remplie de monde, et que ceux qui étaient venus la défendre y voulaient rester, sentant d'ailleurs qu'Énée exigerait qu'on lui cédât la part du royaume que Priam lui avait promise pour récompense d'avoir repoussé les ennemis, prit le parti de le faire chef d'une colonie. Il ne lui épargna pas l'argent, et lui donna de tout cœur autant de monte qu'il voulut. Énée était digne de régner, disait Hector, et méritait un empire qui ne fût pas moindre que le sien, mais il convenait qu'il allât le chercher dans une terre étrangère. Il n'était pas impossible qu'il s'emparât de l'Europe entière, et alors il pourrait se flatter qu'il serait maître des deux continents, de l'empire, tant que leur race subsisterait. On ajoute qu'Énée se prêta au désir d'Hector, tant pour lui faire plaisir, que dans l'espérance de s'en trouver mieux. Ainsi la force et la prudence se réunirent dans cette entreprise, qu'un peuple aussi florissant était en état d'exécuter sur le champ, et de répéter plus d'une fois. Ce fut ce qui arriva. Car Anténor ayant vu partir Énée désira de se faire aussi un état en Europe, et demanda qu'on lui donnât une flotte semblable. D'autre côté, Hellénus se plaignait de ce qu'on le considérait moins que Déiphobus, obtint de son père des vaisseaux et des troupes, passa dans la partie de la Grèce qui lui semblait destinée, et s'empara de tout ce qui n'était pas compris dans le traité. On dit encore que Diomède, chassé d'Argos, ayant appris des nouvelles d'Énée, vint vers lui avec une flotte, le priant de le secourir en conséquence du traité de paix et d'amitié qui était entre eux, et lui raconta ses malheurs et ceux d'Agamemnon. Énée reçut bien Diomède, et le peu de vaisseaux qu'il amenait, et lui donna une partie de ses troupes après qu'il se fût emparé de toute la contrée. Ensuite ceux des Grecs qui avaient été chassés par les Doriens, ne sachant où se retirer, vinrent en Asie comme dans un pays ami et allié, et s'établirent dans le lieu que leur cédèrent Priam et Hector, qui par amitié leur donnèrent Paros et plusieurs autres endroits considérables. Quiconque ne croit pas ces choses précisément parce qu'elles ne sont pas conformes à l'ancienne opinion, doit savoir qu'il est impossible qu'il soit jamais tiré d'erreur, ni qu'il puisse distinguer le vrai du faux. Une opinion n'acquiert aucun degré de force de plus, pour avoir été pendant longtemps adoptée par des gens sans discernement. Les mensonges ne tirent aucun avantage de leur ancienneté. Ce n'est pas d'ailleurs sur les seuls faits, dont j'ai parlé que les hommes ne sont pas d'accord, ils se contredisent sur quantité d'autres et sur la guerre de Perse. Par exemple, les uns disent que le combat naval de Salamine fut postérieur à la bataille de Platée, les autres soutiennent que la bataille de Platée fut la dernière opération de cette guerre. Et cependant ces choses ont été écrites immédiatement après l'événement. Tant il y a peu de gens bien instruits, tant il est ordinaire de s'en rapporter au bruit public. Je parle des écrivains contemporains. Ceux qui viennent après, et plus tard encore, ne savent absolument rien, et reçoivent avidement tout ce qu'ils entendent dire, comme lorsqu'ils donnent le nom de Sirite à un corps de troupe lassé démonienne, ce que n'a jamais fait Thucydide. Les Athéniens rendent les plus grands honneurs à Harmodius et à Aristogiton, comme ayant tué le tyran, et rendu la liberté à leur ville. Mais pourquoi citer ici des faits passés parmi les hommes? Ne croit-on pas, n'a-t-on pas la hardiesse de dire, qu'Uranus, castré, fut indignement traité par Saturne, et Saturne ensuite par Jupiter? Le premier de ces faits une fois admis, comme c'est l'ordinaire, il serait hors de place de ne pas ajouter foi au second. Mais je veux justifier Homère, et faire voir que ces fables méritaient bien d'être répétées. En premier lieu, elles ne sont guère plus incroyables que celles qu'on débite sur les dieux. En second lieu, elles avaient un but utile aux Grecs de son siècle, c'était de les empêcher de redouter les peuples d'Asie, si ceux-ci leur faisaient la guerre, comme on le prévoyait. On ne peut sans doute trouver mauvais qu'Homère qui était grec, et chercher toutes les voies possibles de servir ses compatriotes. Bien d'autres ont mis en usage des moyens semblables. Pour moi, j'ai ouï dire à un maître que les Perses ne conviennent de rien de tout ce que disent les Grecs sur les guerres qu'ils ont eues contre eux. Les Perses prétendent que Darius envoya les troupes qui étaient sous les ordres de Darius et d'Artapherne, contre Naxos et Érétrie, qu'après s'en être emparés, ces généraux retournèrent vers leur maître, que tandis qu'ils voguaient vers le B, quelques-uns de leurs vaisseaux, au nombre de 20 au plus, avaient été jetés sur les côtes de l'Attique, et que les matelots avaient eu quelque affaire avec les habitants de ces côtes, que cependant Xerxès marchant vers la Grèce avec son armée, les Lacédémoniens avaient été vaincus aux Thermopyles, où leur roi Léonidas avait été tué, que Xerxès avait pris et détruit Athènes, qu'il avait fait enlever tous ceux que la fuite ne lui avait pas dérobés, qu'après de si glorieux avantages, et après avoir imposé un tribut sur la Grèce, il était enfin retourné en Asie. Ces faits sont évidemment faux, mais il n'est pas impossible que le roi de Perse n'ait lui-même accrédité de pareils bruits dans l'intérieur de ses états, pour y contenir les esprits. Si Homère en a fait autant, il est juste qu'on lui pardonne. Quelqu'un peut-être, me prenant, par mes propres paroles, me dira, vous avez donc tort de rabaisser les Grecs. Mais nous ne sommes plus dans les mêmes circonstances qu'Homère. Il n'y a plus aujourd'hui lieu de craindre que les peuples d'Asie viennent porter la guerre en Grèce. La Grèce et l'Asie sont toutes deux asservies à une domination étrangère, et la vérité ne mérite pas peu d'égards. D'ailleurs, si j'avais cru que mon discours eût été capable de persuader, j'aurais peut-être balancé à rompre le silence. Je puis cependant assurer que les faits que j'enlève aux Grecs leur sont bien plus désavantageux que ceux que je rapporte. Il n'y a rien d'extraordinaire à ne point prendre une ville, à se retirer après avoir fait la paix avec des ennemis qu'on avait attaqués injustement. Il n'est point honteux à un brave homme d'être tué par son semblable. Tout homme sûr de mourir choisirait la mort que désire Achille lorsqu'on lui fait dire « Puissais-je expirer sous les coups d'Hector, le plus brave des Troyens ?» Mais il est infiniment honteux que le plus vaillant des Grecs soit tué par le plus vil des ennemis. Il est honteux que celui qui passait pour le plus sage et le plus modéré des Grecs égorge des bœufs et des moutons croyant massacrer des rois, et se tue ensuite de dépit de ce qu'on ne lui accorde pas les armes qu'il demande. Castianax, fils d'un héros, soit inhumainement mis à mort, en le précipitant du haut d'une muraille, et cela par l'avis unanime des rois et de l'armée, que Polyxène soit égorgé sur un tombeau, et qu'on fasse un sacrifice funèbre de cette nature au fils d'une déesse, que la belle Cassandre, prêtresse d'Apollon, soit violée dans le temple même y tenant dans ses bras la statue de Minerve. Et que ce crime soit commis non par un homme méprisable et vil, mais par un des principaux chefs de l'armée grecque, que Priam, roi de l'Asie parvenu à une extrême vieillesse, soit percé de coups, massacré au pied des autels de Jupiter dont il tirait son origine, et que l'auteur d'une telle action soit non pas quelqu'un d'un nom obscur, mais le fils d'Achille même, dont le père avait reçu Priam à sa table, et respecté les jours de ce prince, qu'Hécube, malheureuse mère de tant d'enfants, soit donnée à Ulysse pour lui servir de jouet, et qu'à cause de l'excès de ses malheurs, elle soit si ridiculement métamorphosée en chienne, qu'enfin le roi des Grecs ait la hardiesse d'épouser une fille consacrée, à Apollon, à laquelle nul n'osait toucher par respect pour ce dieu, audace dont ce prince sembla justement puni par sa mort. Ne vaut-il pas bien mieux pour les Grecs de n'avoir point pris Troie, que d'avoir fait tout cela?